Bonsoir, bonjour ou bon après-midi à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast Les Staminaires, le podcast de culture pop distillé à base de passion dans lequel on va passer au moins 90 minutes avec Chris de Comics Race, ah oui. Valentin ah oui. Et Mister Yanda. Voilà, je drop les noms de tout le monde un peu vite fait ce soir. Il y a marre des présentations maintenant, on est un peu, vous êtes les membres récurrents, on va pas se représenter à chaque fois, c'est un peu... Et puis, les gens qui nous écoutent sont habitués maintenant. Bonsoir quand même. Ça fait quand même au moins 6 heures d'estamineur qu'on vous inflige à cette équipe de Joyeux Drill et qu'on papote tous ensemble. D'ailleurs, de quoi on papote ce soir ? Eh ben ça, c'est une bonne question, dis donc. Je parle vite parce que je sentais le silence s'installer, mais je n'ai aucune idée de quoi on va parler ce soir. Est-ce que selon la promesse, on a enfin un jeu pour ricaner, en fait, pour arrêter ouais, de parler alors, de choses sérieuses ? Il y a un petit jeu préparé à l'arrache, et quand je dis préparé, c'est ressorti des cartons, puisque c'est quelque chose que certains ont pu voir en live à Geek Life, ce superbe salon geek qui se passe au Mans, et dans lequel je fais des quiz, et donc là j'en ressors un pour vous ce soir parce que j'ai pas eu le temps d'en préparer un nouveau. Voilà, ah, c'est bien. Est-ce qu'on aura ton anecdote de pipi ou pas? Ah, si vous voulez, je pourrais, mais on se la garde pour la fin. Alors, celle que tu m'as dit je veux pas raconter dans le podcast, je la garde pour nous en privé. Est-ce que tu vas nous la dire en fait dans le podcast? Ouais, là, j'ai plus aucune pudeur, j'ai plus, de toute façon on n'est pas écouté, pas encore jusqu'à cette anecdote. Donc ne bougez pas, vous aurez l'anecdote honteuse de Valentin. Oui. qu'est-ce qu'on boit dans les staminaires ce soir? Alors moi j'avale déjà. Chacun fait ce qu'il veut. Je suis là sur une Brooklyn Naranjito, je ne sais pas comment on dit ça. C'est une pale ale à l'orange et c'est plutôt pas mal. 4,5 degrés, ça va un peu. Bière allemande visiblement. absolument. Voilà. Tu nous as pas gratifié d'une nouvelle IPA alors? Non, pas ce soir. Non. Non, c'était pas bon. Si, mais écoute, je varie les plaisirs, voilà. Et moi, dès que je pourrais, j'irai refaire mon stock de Pale Ale aussi, blonde bio de la Brasserie de la Lune. Bien. La gamme Apache, qui a ce petit goût fruité d'agrumes fort sympathique. Parce que t'en es à 35 jours de lait fraise, là. D'eau plate, Château La Pompe, hein, pour ceux qui ont suivi l'épisode précédent. Et du coup, voilà, c'est... Y a moins de goût, forcément. Et toi, Chris, en bon normand, est-ce que tu te tapes une bonne eau chaude? Non, pas du tout. Pas du tout. Je bois de l'eau plate. Parce que de l'eau, bientôt, il n'y en aura plus. Hein. Oui, comme a dit Jean-Claude Van Damme, hein, moi, je suis la philosophie du maître. Hein, il a dit, buvez-en, profitez-en, parce qu'après, il n'y en aura plus. Donc, du coup, je prends tout, hein, comme le PQ, hein, avant qu'il n'y en ait plus, je prends tout. Hein. Es-tu disposé à nous narrer la recette de l'eau chaude, qui est un truc que j'ai découvert chez toi? La recette de l'eau chaude, c'est facile. Tu prends de l'eau chaude. Puis dedans tu mets du calva, voilà. Et ça pique. C'est à peu près ça la recette de l'eau chaude. Il y a des variantes à base de citron, à base de voilà, mais c'est une sorte de tisane au calva, voilà. Et tu dors bien après, je pense. Ça dépend du dosage. Tu peux en théorie, tu peux aussi doser juste de façon à, tu vois. En théorie. Voilà. Mais ça dépend de tes amis. Tu dors pas tout de suite parce que avec les amis de Chris, tu dois en boire plusieurs avant de pouvoir dormir, sinon tu n'as pas le droit. C'est voilà. C'est une soirée très compliquée. Pour ma part, je suis à la bude, voilà. Parce que la bude, c'est pas très bon, mais c'est américain. Et ce soir, j'ai envie d'être un américain. Eh ouais, c'est ça. Un bon fan de comics, ce soir, je suis américain. Voilà. Vas-y, dis-nous quelques mots en américain, voir. Fake newser. Voilà. Spider-Man. Voilà. Bon, sinon, on commence à enregistrer l'émission sérieusement, là, ça y est. Ah non, ça a déjà commencé. Ah, pardon, on fait un clap. Allez, c'est parti. Non, mais en ma qualité d'américain, je vais vous parler du Free Comic Book Day, moi. Ça va être rigolo, non? Ah. Vous connaissez le Free Comic Book Day, le jour des comics gratuits? Ça vous dit quelque chose? Comics libres. Absolument. Les comics libérés. Qui ne sont en pas plus, confinés. Cette circonstance. Ben oui. Initialement, c'était prévu pour la deadline de publication est respectée aujourd'hui, si je ne m'abuse. Exactement, c'est le premier samedi du mois de mai que tous les ans, vos libraires, les libraires participant à l'opération, vous offrent gratuitement donc des comics qui ne sont pas des comics gratuits. Et oui, c'est ça la notion, ils sont gratuits pour vous, mais les libraires vous les ont payés, ils font un petit cadeau pour vous permettre de venir participer à des animations dans les librairies et de découvrir les prochaines séries. Mais ça, évidemment, en tant que bon lecteur de comics, vous le saviez. Oui, absolument. D'ailleurs, moi, je vais chez mon libraire, je lui ordonne de me filer les comics gratuits et je me barre sans rien acheter, puisque c'est ça l'esprit. Hein, n'est-ce du coup, pas t'as pas beaucoup de comics. Tu peux pas repartir avec les 10 ou 13 ou 15 comics édités à ce moment-là. Exactement. Et puis donc, c'était ironique, hein, c'était pas vrai, évidemment. L'idée, c'est de quand même... faire fonctionner la machine à sous et puis de découvrir de chouettes choses gratuitement, mais aussi par la même occasion d'acheter un ou deux bouquins chez ton libraire en même temps, en te laissant conseiller par ces formidables personnes que sont les libraires. Moi du coup j'ai une question, parce que tu dis en bon fan de comics, mais justement c'est pas fait normalement pour ramener les gens qui eux ne lisent pas de comics, comment eux ils savent que ça existe? Aha! Eh ben pour l'instant, ils ne le savent pas. Et c'est pour ça que je suis rentré dans le staff du Free Comic Book Day pour essayer de faire ouvrir un peu la culture Free Comic Book Day, la culture comics aux gens qui n'y étaient pas initiés. Alors ce jour du Free Comic Book Day, qu'est-ce que c'est? Le premier samedi du mois de mai, tous les ans, les libraires donc vous offrent des comics qui ont été spécialement édités pour l'occasion. Donc ce sont des petits collectors. Et c'est les premières pages des prochaines séries à venir, des gros succès, ou alors un chapitre en entier si vous avez de la chance, voire deux chapitres, enfin bref, c'est un comics qui est censé être fait pour quelqu'un qui n'a encore pas lu la série, soit qui est déjà lecteur de comics, soit qui ne l'est pas du tout et qui va pouvoir s'y mettre. Et donc, comme tous les bons dealers, la première dose est toujours gratuite. Et voilà, et ensuite tu deviens accro et tu viens acheter la suite de tes séries. Évidemment, c'est un peu compliqué puisque les libraires aujourd'hui sont... ils sont morts, tous. C'est vrai que si quelqu'un écoute ce podcast, genre dans 10 ans, il saura pas du tout de quoi on parle. Ouais, c'est quoi ça. Mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais de quoi ils parlent? Ils sont quoi? Mais qu'est-ce qu'ils sont? Vous voulez qu'on redise les mots confinement, difficulté? Oui, c'est pour le référencement. Vous, n'oubliez pas de mettre confinement et coronavirus en mots-clés, c'est très important. Et du coup, on a dû décaler la date du Free Comic Book Day. Et donc, cette grande fête de la BD aura bien lieu cette année, en 2020. Et on va pouvoir y découvrir des titres formidables que je vais vous énumérer dans quelques minutes. Mais en fait, la nouvelle date du Free Comic Book Day, c'est le 4 juillet. Le 4 juillet voilà. Le oui, 4 tout à fait, juillet. Vous pouvez le noter sur vos tablettes. Et oui, oui. Et parce que c'est le lendemain de mon anniversaire. Le jour de l'invasion des extraterrestres aux États-Unis, dis donc. Non, c'est bon, Will Smith est encore en vie, donc on est sûr. Ah, bah ça va. Vous faites référence au film Independence Day. Quelqu'un a vu le. Il y a un 2 non, qui est sorti, il y a une suite à ce film-là. Ouais, Résurgence. Non, mais il n'y en a pas. Independence Day, Résurgence. J'ai vu la fin. J'étais plié en quatre. C'est très très drôle. La dernière réplique du film, c'est quand même on sera toujours là pour buter de l'alien. Et ça, c'est. Ça hell veut tout yeah. dire. Et puis derrière, t'avais le générique qui partait qui faisait America! Fuck yeah! Oh, yeah. C'est un film de 87, non? C'est ça. C'est tout dans l'esprit film SF nanar. Ah non, Independence Day, c'est quoi? 95, 96, 97? Non, c'est pas si. Ah, je crois que quelqu'un parmi nous n'a pas saisi la notion d'humoristisme. J'ai pas du tout compris la blague là. Je suis désolé, j'étais pas du tout dans la. Mais non, parce que ça faisait vieux nanar quoi, tu vois, ça faisait. C'est pour ça. Ah oui, donc pour toi, les nanars datent de 87. Très bien, d'accord. Non, il y en a eu aussi en 88. Très bien. Non, moi je vois des films comme Robocop par exemple à cette époque, mais bon, on parlera sûrement de Robocop un jour. Eh ben oui, mais note-le sur le sommaire. Moi je rêve de parler de Robocop avec toi. Ce qui est un sommaire. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on a un sommaire. Ah, on en est là. Bref, le Free Comic Book Day a donc lieu le 4 juillet. C'est une date importante le 4 juillet parce que c'est la fête évidemment nationale américaine et pour les comics ça tombe bien. Et donc ça va être super, venez chez vos libraires le 4 juillet. Les libraires participants à l'opération évidemment pour découvrir plein de titres. Messieurs, est-ce que vous voulez connaître ce qu'on pourra retrouver pour ce Free Comic Book Day 2020? Ou est-ce qu'on s'en fout et on passe à autre chose? Évidemment, on veut savoir. Vous êtes vraiment malléable. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Malléable, exactement. C'est ce que je me suis dit ce matin en me levant d'ailleurs. Je me suis dit, putain, qu'est-ce que je suis malléable. que je suis flexible. Ouais. Non, plus parmi, non. Parmi les. On va le faire par ordre alphabétique, ce sera plus simple. En plus, c'est le premier titre va vous faire plaisir, puisqu'on aura un extrait de Carbone et Silicium, la prochaine BD de Mathieu Bablet. Donc, c'est une BD très attendue. Mais surtout. Pour nous, mais surtout, il y aura les premières pages de Horseback, une bande dessinée par un certain Nico, qui est un ami à nous. Voilà. Et donc, ça, c'est sorti en caméra, ça va être super. C'est plutôt un esprit SF Comics. Chez Bliss Comics, on aura un sampler avec 4 titres autour du travail d'une autrice qui s'appelle Cathy O'Neill, et du coup c'est plutôt un sampler conseillé au jeune public. Et pour les fans de super-héros, il y aura le premier épisode de la série Harbinger. Mais la série Harbinger est publiée chez Bliss Comics, enfin vous allez me dire évidemment parce que vous êtes des lecteurs de comics. Eh bien non, celle-là vous ne la connaissez pas. C'est la série de 1992 dessinée par Barry Windsor-Smith. Donc le premier épisode voilà, sera à découvrir dans le Free Comic Book Day de Bliss Comics. Un commentaire, Valentin. Excellent. Ouais, c'est bien. Hein, ouais, non, c'est chouette, c'est chouette. J'ai hâte de découvrir ça en sortant de chez moi. Parmi toutes les choses qu'on peut voir dehors. Il y a un... C'est vrai que tout ça est quand même basé sur le principe que le confinement s'arrête vraiment le 11 mai. Et, oui, qu'on sera et ça, c'est quand même encore de, à l'heure actuelle. C'est, bah, en fait, même c'est, encore de la c'est pour ça qu'on l'a pas fait. Tu vois, le premier week-end du mois de juin, on s'est donné un deuxième délai qu'on l'a fait le premier week-end du mois de juillet. Il y a la librairie Comic Zone, qui est une librairie spécialisée sur les comics, qui est basée à Lyon et qui tous les ans fait un sketchbook qui permet en fait de faire des compilations de dessins, d'illustrations qui ont été faits par des auteurs actuels, des auteurs, certains sont connus, certains sont émergents, certains ne sont pas encore connus. En vrai, ça permet d'avoir un panorama de ce qu'est la scène artistique, comics en France aujourd'hui. Et à chaque fois, il y a une thématique, et là donc cette année, la thématique c'est le grand détournement. On va avoir des artistes qui vont nous proposer des parodies d'affiches de films, trop bien, mais à la sauce comics. Naturellement, je pense à l'affiche de Pulp Fiction avec Catwoman dedans, tu vois, par exemple, à la place du Maturman. Quelle affiche vous verriez en mode comics? Alors, ça a été fait, moi, celle que je verrai. C'est dans, ouais, c'est avec, avec DC's, en fait, ils ont fait il y a pas longtemps et ils vont faire sur les suivants. Alors, sur la première série DC's de Tom Taylor et Trevor Hersheim, il y avait Yasmine Poutry qui faisait des variantes covers inspirées d'images de films. Et pour la suite de DC's à venir, je crois que c'est le tome 1. Alors, je sais plus si c'est Ben Oliver ou si c'est encore Yasmine Poutry qui fait l'affiche. Mais toujours est-il que on a eu un détournement d'une parodie de l'affiche de Blade Runner premier du nom elle est quand même très très très très très classe. Oui, je me disais bien que ça avait déjà été fait, alors ça a été fait maintes et maintes fois j'imagine, mais il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en 2015 et c'était DC qui avait fait ça. Ah oui, exact, ils ont fait ça sur un mois aussi. Ouais. Voilà, exactement, le mois de mars 2015. Et yes, ils ont repris, ils ont parodié plein d'affiches. Il y a notamment Purple Rain avec Batgirl, Harry Potter, c'est Batman et Robin. The Mask avec The le Mask Joker. The Mask avec le Joker, voilà. Et c'est celle-là que je cherchais parce qu'elle est super bien, celle-là. The Mask et il y a Grayson aussi avec, de Bill Sienkiewicz, elle est très très cool. Elle détourne une... Ouais, je l'ai vu passer. Une affiche, mais... c'est pas un James Bond, c'est un film avec Bruce Lee. J'ai plus le nom. C'est Opération Dragon. Oui, merci, exact. De rien. Je suis toujours le fact-checker. Exactement. Plus vite que son ombre, incroyable. Marvel avait dû faire ça avec des pochettes d'albums aussi. Je crois que c'était Marvel exact. Qui avait fait ça avec les pochettes d'albums. C'est possible, d'album. Ouais. Des covers hip-hop, c'était très cool aussi. Mais en tout cas, par rapport au sketchbook de Comic Zone, je trouve qu'ils sont, tous les ans, depuis le début, ils sont hyper imaginatifs et hyper... ils trouvent toujours des thèmes qui sont très très cool et ça laisse vraiment la place aux dessinateurs retenus, puisqu'il y a une sélection qui est faite, de vraiment s'éclater et de proposer des trucs à chaque fois qui sont très très très cool. Et l'autre astuce qu'ils essayent de trouver, comme vraiment ça marche de mieux en mieux, qu'il y a de plus en plus de dessins de qualité à publier, ils trouvent aussi des astuces pour remettre de plus en plus sur les pages et pour qu'on puisse voir de plus en plus d'artistes dans le sketchbook. Ouais, c'est vraiment l'occasion de prendre une photographie de l'état de la scène artistique actuelle. Et puis, qui sait, d'avoir des nouveaux gens à suivre sur Instagram et vous allez peut-être trouver vos futurs dessinateurs et dessinatrices préférés là-dedans. Prochaine sortie, c'est celle de Delcourt avec un album jeunesse et c'est le premier épisode de Bone. Et alors Bone, c'est pas tout à fait une nouveauté puisque c'est une BD que je dois avoir depuis 2003, 2004 peut-être. Et alors pourquoi est-ce que dans le Free Comic Book Day on ressort des séries qui ont 15 ans? Et bien parce que Bone, ça va arriver en version animée sur Netflix dans le courant de l'année normalement. Et du coup, c'est l'occasion pour Delcourt de mettre en avant ce titre-là, qui est un super titre. C'est fait pour les enfants, les personnages, c'est un peu Casper le fantôme, c'est du personnage à gros nez et tout. Et en termes d'histoire, ça ressemble plutôt au Seigneur des Anneaux. Ils ont une quête initiatique dans laquelle ils vont devoir avancer, rencontrer des personnages rocambolesques, et notamment échapper au rat-garou. Vous connaissez tous les loups-garous, bah là c'est des rats-garous. Et du coup, et bah, c'est hyper bien, c'est hyper bien. Et c'est l'occasion sûrement de découvrir ce titre qui a plus beaucoup d'actu et qui reste pourtant tout à fait d'actualité. Donc qui va être complètement republié en noir et blanc et en couleur par Delcourt, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, il faut découvrir ce titre qui s'appelle Bone et qui est à lire tranquillou à partir de 10 ans. Pour le coup, c'est pas du tout du super-héros. Et on parlait de Blade Runner, puisque le deuxième Free Comic Book Day de Delcourt, c'est Blade Runner 2019. Et du coup, bah, c'est l'extension de la franchise. Et c'est, alors j'ai plus tous les noms en tête, bref, c'est écrit par le mec qui a écrit le deuxième film Blade Runner. C'est bien vendu, hein. Et du coup, c'est un comics qui a été publié en Angleterre, pour le coup, par Titan Book. Et c'était un très très très gros succès là-bas. Et du coup, bah, on va pouvoir découvrir ce truc-là. Blade Runner, toujours une petite licence célèbre, hein, une licence bien porteuse qui se porte. Ça a l'air bien. Très joli. Tu sais qui dessine, enfin ce qui va être dans ce Free Comic Book Day ? Eh bien non, car j'ai parce aussi bien préparé. Le visuel. J'ai aussi pardon, bien préparé ce podcast que vous. Donc j'ai pas toutes les infos sous les yeux. Mais le visuel de la cover est très très beau en tout cas. Si c'est ce que je vois, c'est écrit par Michael Green et Mike Johnson. En tout cas, si c'est ce que tu ne vois pas, si c'est pas ce que tu vois, c'est compliqué. Non, non. Alors là, c'est non, mais je dis bah non, si. En fait, je sais pas. Voilà, ce fact-checking était bien, bien nul. Mais tu vois, encore une fois, la meilleure chose à faire. Du coup, la meilleure chose à faire pour découvrir ce titre, ce sera d'aller chez son libraire. Et oui. Absolument. J'en profite pour placer qu'il y a quelques années est sorti en français. Alors je ne sais plus chez quel éditeur, un éditeur qui fait pas du tout de comics à la base. L'adaptation en comics du bouquin de Philip K. Dick qui s'appelle donc Do Androids Dream of Electric Sheep, les moutons, ceux qui ont un accent anglais aussi bon que le mien. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ? Voilà, et c'est vraiment une adaptation littérale du bouquin, c'est pas l'adaptation du film, donc ça doit être en 6 ou 7 volumes, je crois. C'est assez costaud à lire, hein, parce que du coup c'est vraiment le bouquin avec des illustrations à côté. Mais c'est très beau, et donc si vous êtes amateur de l'univers et de Blade Runner au sens large, ben, ça vaut le coup d'être lu, mais je sais pas si c'est encore facile à trouver aujourd'hui, parce que ça date d'il y a au moins maintenant 6-7 ans minimum, ouais, ça fait quelques années, ouais. Mais on mettra de toute façon les liens d'affiliation dans la description du podcast pour que vous puissiez aller faire votre achat en soutenant l'émission. Merci, vous soutenez non pas un libraire, mais l'émission avec les liens d'affiliés. Amazon, évidemment, merci. Quelle horreur. C'est le moment où faut bien manger, monsieur. Hein. Est-ce qu'on va parler de notre Tipeee à un moment ou non ? Pas maintenant. Le Patreon. Et du coup, sixième Free Comic Book Day, c'est celui de Glena Comics avec Lady Mechanica. Alors, Lady Mechanica, c'est un univers steampunk. C'est toujours hyper bien dessiné par un type qui s'appelle Joe Benitez. Et Joe Benitez, il bossait pour Image, pour Topco. Il a fait un peu de Witchblade. D'ailleurs, je vous invite à découvrir la très bonne vidéo de Chris de Comics Race sur le personnage de Witchblade. Il a fait un peu de Weapon Zero aussi. Et là, ouais, depuis quelques temps. En fait, il avait repéré la mode steampunk en convention, et il était parti dans l'idée de faire une série un peu opportuniste au départ, steampunk, et qui devait servir de support graphique aux cosplayers et aux cosplayeuses pour se fabriquer des costumes et pour se la péter en convention. Bref, c'est plutôt un beau succès chez Glena Comics, et c'est hyper bien dessiné. Du coup, bah voilà, Lady Mechanica, c'est à découvrir pour le Free Comic Book Day. Et tu vois, tu parles de ma vidéo sur Witchblade, et ben c'est assez amusant parce que dans la vidéo, je demande aux gens quelle est leur super-héroïne préférée, enfin voilà, la plus marquante pour eux. Et ben Lady Mechanica revient très très souvent dans les réponses, ça fait partie des noms les plus cités. Donc il y a un vrai engouement autour du personnage que je ne soupçonnais pas parce que j'ai lu les deux premiers tomes, je crois que j'ai pas trouvé désagréable, mais voilà, j'ai pas trouvé que c'était complètement renversant. Et il y a un vrai engouement autour de ce personnage-là, donc c'est assez intéressant. Et c'est un personnage qui a plusieurs vies, que l'artiste balade d'éditeur en éditeur. Si je ne dis pas de bêtises, ça sortait chez Topco au début, comme les différents travaux de Joe Benitez. Et c'est, je vais dire une connerie, je dirais IDW, mais c'est arrivé voilà, dans ces eaux-là. Et bref, c'est l'auteur balade sa série en fait, d'éditeur en éditeur, elle survit au mode. Et effectivement, oui, quand c'est sorti à la fin des années 90, j'aurais pas non plus parié sur une longévité voilà, de la série à ce point-là. Mais c'est cool. Et puis c'est beau. Oui, absolument. C'est vrai que c'est très beau, c'est vrai. Je ne couperai pas ce blanc. Il sera diffusé comme ça. Parfait. On peut enchaîner avec iComics si vous voulez, parce que iComics va publier le premier épisode de Invisible Kingdom, qui est une série, ça a été teasé et reteasé par Sullivan dans les différentes vidéos qu'il a fait pour annoncer le programme de iComics. C'est une série écrite par G. Willow Wilson, qui est la créatrice d'un personnage qui s'appelle Miss Marvel, la nouvelle version de Miss Marvel, Kamala Khan, et c'est dessiné par Christian Ward, que je connaissais pas, et en fait c'est mortel. Christian Ward, il a sorti un truc qui s'appelle Odyssey, alors ça s'écrit O-D-Y loin si, chez Glena Comics, c'est dispo en français, et c'est un univers de SF hyper riche, hyper foisonnant, et c'est assez oufissime, et c'est formidable. Et du coup, c'est le premier titre qui va être publié en France de la collection Berger Books, qui est donc parrainé par Karen Berger. Je suis sûr que Chris a envie de nous parler de Karen Berger et de nous resituer... cette grande dame de l'industrie des comics. Écoute, j'adorerais te parler de Karen Berger, mais franchement, j'ai rien à dire, donc j'adorerais pouvoir te raconter des choses, mais non. C'est l'émission où on se jette des pièges, en fait, c'est ça. Non, bah rien, je pensais que rattaché à Preacher, enfin tu vois, qui était l'éditrice de Vertigo, donc de Preacher, de 100 Bullets, de tout ça, je me suis dit que ça aurait pu t'inspirer, mais... C'est elle qui a contribué à toute la British Wave... qui a déboulé dans le comics. Non, mais je comprenais pas du tout ce que tu voulais. Je pensais que tu voulais que je te parle du bouquin du Free Comic Book Day, et comme je ne sais pas du tout ce que c'est que ce livre, j'ai dit non, je peux pas te parler de ce livre, j'en ai strictement aucune idée. Eh bien, ce livre est une œuvre de science-fiction à la limite du space opéra où deux héroïnes vont dévoiler un complot entre la plus puissante religion de l'univers et la plus puissante entreprise de l'univers. Un récit haletant, politiquement engagé. Alors, c'est pas mal, mais t'aurais pu le faire avec une intonation un peu plus journalistique, tu vois. C'est vrai que ça une œuvre de science-fiction à la limite du space opéra. Prévu pour la fin d'année en album, Invisible Kingdom est le premier titre issu de la collection Berger Books à apparaître en France chez iComics. Ouais, bien, c'est mieux, effectivement. Ouais. Est-ce que je dois faire pareil avec la sélection de Kinaï, en fait, qui est là aussi un comic jeunesse? Non, on va plutôt le faire à la cool. En fait, Kinaï, ils ont déjà publié l'année dernière, c'était leur première participation au Free Comic Book Day, ils ont sorti un truc qui s'appelait Le Garçon Sorcière, et qui était du coup le premier, comment on dit, la première brique de construction d'un univers. Là, le bouquin qui va sortir s'appelle La Sorcière Secrète, et autant on peut le lire indépendamment, mais si on a lu Le Garçon Sorcière, on va y trouver la suite de cette précédente histoire. Et donc, je n'ai pas lu La Sorcière Secrète, évidemment, mais Le Garçon Sorcière, ça racontait le destin d'un garçon qui avait envie de devenir sorcière, alors que normalement, c'est réservé aux filles, et donc il allait devoir... Et du coup, le titre est bien choisi. Transgresser, bah oui, évidemment. Et mec est malin. Et franchement, pas mal. Le mec qui a inventé le titre. Ouais, franchement... Et du coup, la sorcière secrète, qu'est-ce que tu... Il y a quoi? Tu crois qu'il y a un secret? Des sorcières? Comment ça marche? Ouais, à mon avis, c'est possible. Après, Kinaï, c'est un tout petit éditeur qui est en plus assez récent sur le marché. Et c'est assez chouette parce que pour l'avoir rencontré à Angoulême en début d'année, bon, au-delà d'être très sympa et très abordable, il était, pour le coup, malgré qu'il édite de la BD et du comics, il était positionné au niveau des mangas. Et en fait, il avait tourné ça de façon hyper intelligente et en plus très bien, c'est-à-dire que pour présenter les bouquins qu'il avait en vente sur son stand, en fait, il faisait des passerelles avec des titres de manga très connus et dont effectivement les univers graphiques se rapprochaient. Et en fait, il a accroché beaucoup de passants ou de gens qu'il connaissait pas forcément ni son édition ni les titres comme ça en fait. Et c'était très malin. Et au final, il était pas forcément hyper content au début de s'être retrouvé placé là. Et en fin de compte, ça s'est super bien passé. Mais c'est vrai que c'est un super éditeur jeunesse. Il a tous ses titres sont vraiment très orientés jeunesse et sans que ça soit péjoratif parce que pour le coup les contenus de tous les titres sont hyper modernes. Il y a plein de messages dedans. Bah voilà, notamment dans le Garçon Sorcière, c'est très très très chouette. C'est vraiment une petite quinaille. Ce garçon sorcière. C'était moche. Oui, la vache, c'est immonde. Franchement, je me désolidarise complètement de cette vanne. Je quitte Trash. Alors, on va voir si Valentin va être inspiré par le prochain bouquin du... On a fait la moitié, hein. Ça va pas être trop long, vous en faites pas. Le prochain bouquin de la sélection FCBD, avec Comics Initiative qui a trouvé une petite pépite, un inédit d'un certain Alan Moore, qui va donc être publié en intégralité dans cette publication du Free Comic Book Day. Donc gratuitement, on peut avoir une histoire intégrale d'Alan Moore, qui est le scénariste de petites œuvres, hein, comme évidemment Batman Killing Joke, comme Watchmen, comme V pour Vendetta et tant d'autres, évidemment. Ce génie qui a révolutionné le... Et surtout Providence, Neonomicon. From Hell, ça va encore. Ah, mais ça va, ouais. Non, mais Neonomicon, c'est chaud. Ouais. Neonomicon, c'est... Providence, c'est pas si mauvais que ça. Mais on sait pas trop où ça va. C'est-à-dire qu'on comprend pas trop pourquoi. En fait, tu dis pourquoi l'avoir fait, parce qu'à la limite, ça sert à rien. Tu as lu Neonomicon... son pavé, sorti il y a pas très longtemps en France? Je l'ai commencé parce que, comme je dis dans la vidéo sur Watchmen, je dis je vais le commencer. Mais en fait, c'est vrai que tu te décourages quand même assez vite, parce que c'est quand même assez épais. Hein. On m'a raconté un peu ce qu'il y avait dedans. Et, ouais, c'est... Ouais. Et c'est écrit tout petit en plus, ça, il faut le savoir. C'est pas genre, il y a pas une lettre par page, hein. Tu pourrais te dire, non, c'est pour, vraiment pour écrit. Pour préciser pour les auditeurs, donc c'est un roman pour le coup, c'est pas du tout une BD, mais c'est un roman qu'a écrit Alan Moore. Alors je sais pas tout à fait. Jérusalem, de quoi ça parle. Tout à fait, ça s'appelle Jérusalem. Ouais, et apparemment chaque chapitre, c'est, il met des figures de style, des espèces de particularités dans l'écriture, avec des mots qui n'existent pas, des trucs assez chelous apparemment, où ouais, faut vraiment s'accrocher. Le mec est barré de ouf. C'est plutôt un exercice de style qu'une vraie histoire en fait. Et effectivement, je l'ai comme, mais comme je le disais l'autre jour, je lis toujours un peu plein de bouquins en même temps. En ce moment, je suis en train de continuer Dune, que j'ai commencé, et c'est quand même assez particulier, et bon, c'est... Je garde un meilleur souvenir de Watchmen, tu vois, que de mon début de lecture pour l'instant. Après, on verra quand je serai arrivé au bout des, je sais pas combien, 1000 et quelques pages, je sais pas combien de pages, c'est un truc énorme. C'est bon pour caler les meubles, quoi. Oui. Eh ben moi je suis assez content d'être venu. Moi je suis assez chaud pour ce pied Alan Moore, parce qu'il est dessiné par un type que j'aime beaucoup qui s'appelle Juan José Rip, qui est un type qui a fait Clone et surtout qui a fait Black Summer et No Hero. Chez pendant que Valentin grince comme à d'habitude, qui a fait donc Black Summer et No Hero, qui sont sortis chez iComics maintenant, et c'est un type qui va faire beaucoup de détails. C'est quand une vitre explose, il dessine tous les petits morceaux de vitre, par exemple. Et j'aime beaucoup son dessin. Et du coup, voilà, je suis pressé de le trouver gratuitement, enfin offert par mon libraire, dans un épisode inédit d'Alan Moore. Surtout que il se sera accompagné de un conte de givre inédit de Jocelyn Billard et d'autres petits bonus, notamment une couverture inédite d'un certain Laurent Lefebvre, qui est un peu un pote de Valentin, hein, on va dire ça comme ça. Vrai oui, ou... Oui, oui, voilà. Oui, absolument, oui, c'est vrai, oui. Donc non, ça va être bien. Je connais des vedettes. Chez Monsieur Toussaint l'ouverture, on a la suite de Mind MGMT, qui était moi mon gros coup de cœur. D'ailleurs, je l'ai acheté, il vient de sortir. C'était le gros coup de cœur du Free Comic, mon gros coup de cœur du Free Comic Book Day de l'année dernière. Du coup, vous avez quand même des trucs en avance. Le Free Comic Book Day en mai 2019, le bouquin vient de sortir maintenant, quoi. Donc, on peut le découvrir très longtemps à l'avance. Bref, Mind MGMT, vous irez voir tout ça, parce qu'on va pas faire non plus trop long sur tout ce qu'on est en train de se raconter. Ai-je oublié de vous dire qu'il y a du Spider-Man, évidemment, dans le Free Comic Book Day de Panini, une double dose de Spider-Man, puisque dans le Free Comic Book Day version adulte, c'est une histoire de Spider-Man qui est dessinée par Sarah Pichelli et qui est écrite par J.J. Abrams, accompagnée de son fils. Donc J.J. Abrams, c'est Star Trek ou c'est Star Wars? Je sais jamais lequel des deux c'est. Ouais. C'est Star Trek, c'est Star Wars, c'est Lost, c'est Alias aussi. Tout à fait. Eh oui. Et l'autre que des trucs chiants pour ma part, c'est que des trucs qui m'ont fait chier personnellement, mais enfin bon, ok, super. Voilà, c'est le thème de okay, ouais. C'est le thème du prochain épisode de l'Estamina. Et on aura Absolute Carnage aussi d'un certain Donny Cates. Est-ce que Donny Cates se trouve, c'est un peu mieux pour toi, Donny Cates, Chris? Alors au début non. le mec qui aime rien, quoi. Alors non, en vrai mon premier contact avec Donny Cates, je vais pas trop étaler là-dessus, c'était God Country chez Urban. Et en fait, on me l'avait survendu, m'a dit, ah, c'est génial, mec. Et en fait, j'avais trouvé ça, tout juste, sympathique, on va dire. C'est, le postulat était assez intéressant, mais j'ai pas trouvé que c'était très original. Et en fait, pour une fois, moi qui ai plutôt tendance à me réconcilier avec les auteurs, dans l'indé, eh ben, Donny Cates, je me suis réconcilié avec son style chez Marvel, notamment avec sa série Venom, que j'ai trouvé très très sympa. Après, il écrit beaucoup, il a écrit plusieurs one-shots, il y a beaucoup de one-shots, mais notamment le Cosmic Ghost Rider, là, le Silver Surfer Black qui est sorti il y a pas très longtemps chez Panini. C'est toujours un petit peu la même recette quand même de fond. Dans ces one shot, dans ces mini séries, mais en France ça fait des voilà, c'est en un seul volume, mais ça reste ça reste quand même très bien écrit. Et finalement dans ce qu'il a fait chez Marvel, ben j'ai pas lu, à part God Country, j'ai pas lu d'autres séries indé de lui, mais ce qu'il a fait chez Marvel c'est plutôt sympa. Notamment il a fait Thanos aussi, et puis son Venom, sa série Venom est vraiment très très bien. Bref, il y a aussi un Spider-Man versus Venom qui est plutôt dans le Free Comic Book Day Panini, orienté kids, orienté jeunesse. Et puis évidemment il y a du Batman chez Urban Comics. C'est original. C'était le bruit de la chauve-souris, ça. Elle est très dangereuse, celle-là. Je crois qu'elle donne des maladies. C'est quoi le titre de Batman, du coup, Matt? Ta gueule. J'ai pas mon fichier. De mémoire, c'est Sean Murphy. Ça a l'air bien. Avec la suite du White Knight de Sean Murphy, okay, mais je le fichier est foireux et je ne l'ai plus tout à fait en tête. Mais je crois que c'est ça. Ta mémoire est bonne. Merci. Ah là là, cet instant. Bah, White Knight, j'ai pas aimé non plus. Cet instant de panique. Ouais, si, c'est bien le premier chapitre de White Knight. As-tu lu la suite d'ailleurs, Yann, toi qui lis de la VO, non? Non. Non, parce que j'ai plein de retard et que du coup ça fait partie des titres qui sont passés à l'as, et que je lirai du coup à leur sortie en VF. Non, n'attends pas la sortie, prends-le au Free Comic Book Day. Oui, j'irai me faire un avant-goût de ça, et puis surtout parce que comme ils l'ont fait pour le premier, je vérifie juste pour être sûr, mais oui, ils l'ont fait pour le premier, on a eu une édition en noir et blanc. Et que je trouve, même si j'aime beaucoup le travail de couleur que fait Hollingsworth sur le travail de Sean Murphy, je trouve que le trait de Sean Murphy se prête très bien au noir et blanc, et que en règle générale, ça casse la rétine. Oui. Donc voilà, je suis assez client de ce qu'il fait en noir et blanc, de ses travaux en noir et blanc. Donc je pense que j'opterai, s'il y a, pour la version française alors c'est Azrael, j'ai plus le nom complet. Du coup, quel podcast bien préparé, me direz-vous. Mais voilà, c'est la suite, et du coup, c'est le... C'est ce qui arrive après. C'est ce qui arrive après, voilà. Comme toute bonne suite. Putain. Vivement le préquel. Alors, on peut rappeler que c'est une histoire de Batman qui se passe dans un univers un tout petit peu différent du nôtre. Oui. Un univers dans lequel le Joker a retrouvé un peu de sainteté d'esprit. Enfin bref, il est redevenu un peu saint d'esprit et il a réussi à faire incarcérer Batman. C'est le début de White Knight, en fait. Tout à fait. Et en plus de ça, ça a vraiment ça a étendu, parce que initialement, donc White Knight était vendu et présenté comme une mini-série unique, et en fait comme ça a très très bien marché, on a proposé à Sean Murphy de faire une suite, et en gros cette suite, qui se déroule donc toujours dans ce même univers alternatif, qui a été sobrement basé le Murphyverse, va vraiment vraiment avoir Murphyverse, et en gros il a son univers à lui, avec sa continuité à lui, enfin ses événements à lui qui sont rattachés à ce qu'il raconte, et donc il y aura un après White Knight 2 vraisemblablement. Donc c'est cool, c'était un travail d'artiste initialement, pas one shot, un travail restreint qui a rencontré son public et son succès, et qui a permis son expansion éditoriale. Donc très bien. Et c'est bien ou pas, alors? Le White Knight 1, moi, j'avais trouvé ça sympa. Après, je suis assez partial parce que déjà visuellement je suis ultra fan de Sean Murphy. Dans l'histoire, j'avais juste eu un petit regret, c'est qu'il n'était pas allé aussi loin qu'il aurait pu en termes de messages et notamment politiques, même si au final il s'en était expliqué après en disant que c'était une volonté justement de pas être allé trop loin comme il avait pu le faire ou en tout cas dans d'autres œuvres. Donc, comme ouais, Punk Rock Jesus, mais du coup voilà, c'était le seul petit bémol. Après, dans l'histoire il y a rien de révolutionnaire, mais en tout cas son univers tient la route, sa proposition elle est cool et, en fait ça démarre voilà, très fort et c'est vrai que le soufflet retombe un peu. L'histoire ouais, évolue très peu, assez vite en fait. Il n'y a pas vraiment d'évolution et la fin est un peu décevante compte tenu de la promesse faite au début en fait. Oui voilà, moi je voulais dire qu'en fait s'il y a moyen de faire une suite, c'est parce que la première histoire tenait pas du tout ses promesses. Donc du coup c'est facile quand il n'y a pas de vraie fin alors que pourrait y en avoir une de faire des suites. C'est un peu ça le truc en fait. J'ai été déçu. J'ai vraiment pas accroché. Après je suis déjà pas fan de Sean Murphy visuellement. Donc c'est le podcast où je n'aime rien aujourd'hui. Hein. Vous remarquerez, je n'aime rien. Non mais c'est vrai que White Knight, c'est une fois encore, je suis très méfiant vers les trucs un peu survendus. Donc quand tout le monde dit ouais, c'est génial, c'est super, c'est révolutionnaire, je dis oula, attention, on se calme. Et effectivement, oui c'est ça, oui il y avait, c'est vrai qu'il y avait une grosse hype autour, j'avais oublié ça, mais ouais. Qui à mon sens et à notre sens à tous les quatre, j'ai l'impression n'avait pas lieu d'être parce que c'est bien, hein, c'est pas nul hein, du tout. Mais c'est pas révolutionnaire. Si, moi je te dis que c'est pas terrible, hein, moi je te le dis. Mais en fait, elle avait... à titre personnel. En tout cas, pour le moi, côté si je peux révolutionnaire, me permettre... c'est pas vraiment... C'est pas... Oui, non, sur le scénario en tant que tel, effectivement, voilà, ça n'a rien de révolutionnaire. Par contre, sur un plan un petit peu plus personnel, un petit peu plus hashtag fanboy, j'ai envie de dire que la hype, elle est plus justifiée dans le sens où Sean Murphy, qui dessine une histoire de Batman, lui tout seul, il fait que du Batman. Ouais, c'est cool. C'est cool parce que bah, jusqu'à présent il avait juste dessiné un morceau de Detective Comics avec Snyder qui était je sais plus lequel d'ailleurs de numéro et ça envoyait vachement parce que ça se passait dans le futur et tout, enfin c'était très très cool, donc ça laissait présager de bonnes choses et voilà. Alors après forcément quand on n'est pas super fan déjà de Sean Murphy et de son trait à la base, voilà, ça fait partie des gens qui sont dessinateurs, ne sont pas scénaristes et malheureusement des fois ça peut se ressentir. Oui, et pourtant ils se démerdent hein, parce que Punk Rock Jesus c'est mortel, voilà, même au niveau du scénario quoi. Donc le mec sait scénariser quand même aussi, il sait écrire des histoires cool quoi. Oui. Off-Road aussi c'était sympa. Son récit autobiographique là qui était cool. Donc il sait écrire le gars, mais White Knight c'est moi je trouve pas ça nul. C'est pas révolutionnaire du tout. Mais alors c'est le problème de la hype Batman aussi, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Mais pour vous dire à quel point ça m'a pas trop marqué, je sais que le personnage d'Harley Quinn, son traitement était cool, mais alors je ne sais plus pourquoi. Donc il faudrait que je le relise. Mais justement, ça m'avait. J'avais trouvé ça assez chelou comme. C'était ça en fait. Franchement, je vais pas reprendre chaque point, mais donnez-lui un os à ronger, s'il vous plaît. Non, mais en fait, le début, le pitch de base, je me suis dit, ouais, c'est une super idée. Il y a rarement des pitchs qui ne sont pas de base, par contre. Écoute, Captain Pléonasme. Il y en a au chocolat ou à la framboise, ça existe. Oui, tout à fait. Waouh. Non mais le pitch est très bien et très intéressant, il te donne envie de lire l'histoire, et quand tu lis l'histoire, tu te rends compte que ben, en fait les promesses ne sont pas tenues, et que, je vais pas trop spoiler, mais moi j'ai été très déçu par le traitement global de A à Z, voilà, donc j'ai le droit de... Et comme tout le monde crie au génie, et que souvent il est de bon ton de crier au génie comme tout le monde pour être copain avec tout le monde, et que comme ça après les gens ils te retweetent parce que t'es d'accord avec eux, parce que t'as crié au génie et c'est bien, et ben moi j'ai envie de dire des fois quand c'est pas si bien que ça, et ben c'est bien de le dire aussi, voilà, et puis c'est tout. Vous avez loupé une vanne sur le refroidissement des corps que j'ai pas voulu faire parce que on va arrêter les jeux de mots pourris, mais voilà, crie au génie, bref. Ouh. Allons-y. Ah si, c'est pas mal. Non, ah, faut, si, là, il ouais, ouais. faut éviter le silence. Faut enchaîner là. Faut enchaîner. Ne jette pas un froid. Et bah, du coup, la suite de cette œuvre tant appréciée par l'équipe de l'Estamineur est à découvrir le 4 juillet dans vos librairies pour le Free Comic Book Day. Juste les infos sur le Free Comic Book Day, vous les trouvez un peu partout sur les réseaux sociaux. On va pas énumérer ça en podcast audio. Par rapport à l'état d'esprit du truc, il y a juste un truc sur lequel je voudrais revenir. Le Free Comic Book Day, c'est donc des comics qui vous sont offerts par vos libraires. L'idée, c'est ils vont sur la sélection, il doit y avoir 13-14 titres de mémoire. Sur la sélection, ils vont vous en offrir quelques-uns, un, deux ou trois. En général, vous débloquez les titres en plus dès que vous dépensez 10€ dans la boutique. Si vous venez en cosplay, vous avez aussi des titres en plus. L'idée, c'est de créer des animations autour de la bande dessinée. En plus, ce sera la date des fameux 48 heures BD pour découvrir de nouveaux titres en plus. Autant vous dire qu'il y aura des événements du cosplay, des auteurs en dédicace dans les meilleures librairies, hein, celles qui participent à l'événement, et que au-delà celles qui n'auront pas fermé, au-delà des collectionneurs qui vont faire la course pour aller récupérer. J'ai un truc important à dire, Chris, t'es relou. Au-delà des... Alors, c'est le mec qui nous a dit, les gars, soyez plus spontanés, faites des blagues et tout, et quand tu fais une blague, il t'engueule. Putain. Je t'engueulais softement. Bref, tout ça pour dire, laissez-en pour les nouveaux, hein. Vous qui faites les petits sketch hunters, les petits collectionneurs acharnés de comics et qui allez faire le tour des boutiques, bah, n'hésitez pas à en laisser aussi pour les noobs qui vont découvrir leur prochaine série préférée grâce à cet événement. Souvent, c'est un truc qui a trouvé un écho chez les vrais fans de comics, ceux qui en lisent depuis longtemps, ceux qui sont des acharnés de la collection, qui veulent toutes les éditions. Mais voilà, le but, c'est surtout... Ceux qui les revendent à 100 balles sur eBay en rentrant chez eux, exactement. Hein, les vrais fans, ouais. Les vrais amoureux de bande dessinée. Ceux qui vont profiter des grandes surfaces type Fnac qui te laissent en prendre 15 dès que tu passes devant le truc et qui vont après les mettre la semaine avant. Ouais, c'est ça. Ouais, ça c'est fini la semaine avant. Et donc bref, on va essayer nous de faire connaître ce truc là maintenant à des gens qui n'étaient pas initiés à la bande dessinée américaine. Et bref, n'hésitez pas à parler de cet événement autour de vous si vous voulez faire connaître des nouveaux titres. Et l'idée, c'est ça, tu prends des titres. Tu lis par exemple le White Knight, disons que tu es quelqu'un de l'équipe, que tu trouves pas ça formidable, mais passe-le à ton pote, parce que ça se trouve, il va trouver ça génial. Et oui, on partage un peu la bonne parole des comics. Et c'est même aussi l'occasion idéale de faire un peu coup double, parce que effectivement, comme tu l'as dit, généralement, c'est des ambiances hyper festives, hyper bon enfant dans les librairies participantes, parce que c'est l'occasion pour les libraires aussi d'organiser un événement au sein de la boutique, avec voilà des concours de cosplay, des loteries, des trucs, enfin il y a tout un tas de choses, et c'est vraiment aussi l'occasion, non seulement en tant que fan de comics et lecteur plus ou moins aguerri, d'aller laisser sa chance à d'autres titres qu'on n'aurait pas forcément testés, mais aussi avant de faire passer les exemplaires que tu as eu avec ton pote, d'y aller carrément avec un ou des potes et de eux les laisser flâner, tester, voir un peu, et voilà, c'est l'occasion de faire découvrir, de toi découvrir des titres, mais aussi de faire découvrir à la fois des magasins et l'univers du comics en tant que tel. Quelle bonne parole. Voilà, mic drop, c'est tout pour moi. Merci, bonsoir. Quelle belle soirée. Mais ouais, non, mais c'est vraiment pour moi, c'est ce qui fait aussi le charme de cet événement-là. Effectivement, pour les lecteurs aguerris, enfin, moi, je suis pas, je sais qu'il y en a qui font le tour des librairies participantes parce qu'ils font carrément des checklists le matin de dire, alors attends, je sais que là, je peux en avoir un gratuit, donc si je vais là, après, je vais là et qu'ils vont essayer de gratter. C'est vraiment pas, l'esprit même de l'événement, quoi. Surtout, à la rigueur, si tu veux tous les avoir, fais-le dans une seule boutique et achète-lui trois trucs. Et t'auras la collection complète de tous les FCBD. Mais si c'est gratuit, je peux marcher un peu et puis je vais récupérer d'autres. Ah bah oui. Je n'achète pas après. Mais oui. Voilà. Bref, on vous Mais je suis d'accord avec toi. Votre première dose de comics. Bah oui, évidemment. Évidemment que t'es d'accord avec moi, mon petit lapin. Toi, évidemment. Tu ne seras pas comme Chris. J'ai rien dit. Le mec qui n'aime rien. Donc voilà, le Free Comic Book Day, c'est bien. Et je ne vous dis pas ça parce que je suis dans l'organisation du Free Comic Book Day. Un peu quand même. Tout à fait. Ouais, le podcast de la connivence. La semaine prochaine, je vous parle de Paris Manga. Et puis, on parlera de Geek Life, un salon au Mans aussi, auquel je participe. Voilà. Et j'ai fait des quiches, donc on parlera de quiches dans un prochain épisode. Ça vous dit. Le rire pétillant que vous venez d'entendre est celui de V pour Valentin qui va prendre les rênes de la deuxième partie de ce podcast. Avec. Si vous voulez. Oui. Avec une, ce qu'on tease depuis maintenant trois épisodes, une animation festive, joyeuse, sur la base de l'amusement. Eh ben, il n'y a pas de souci, on va faire un petit jeu absolument pas préparé. J'ai aussi une petite news, tu me lanceras quand tu voudras, hein, sur Animal Crossing. Il faut que je vous reparle d'Animal Crossing plus tard dans l'émission. Mais on va effectivement jouer ensemble avec... on va rester dans le thème des comics. J'ai été repioché quelques questions que j'avais fait dans un quiz. Voilà. Et car tu animes des jeux en salon, hein. Dès qu'on te propose de venir en salon animer des jeux, tu viens animer des jeux en salon. Et dans ton salon à toi, ouais. Absolument. dans les événements comics aussi. Pas que dans le salon des gens. Et c'est des jeux de plutôt bonne facture, non? Ils déclenchent l'hilarité, on Alors, apprend des ça, choses, c'est pas on passe à moi un bon de moment. Le dire, mais les gens si, ont si, l'air moi, d'apprécier. Je suis témoin, c'est vraiment d'excellente qualité. Alors, n'hésitez pas à inviter cet homme. Ah, ça lui a plu. Ça, il a aimé. Alors, c'est ça, quand tu vois comment j'aime rien, tu te dis s'il a aimé ça, c'est que c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, mais absolument. Vraiment. Alors, c'est très librement inspiré du Burger Quiz, juste dans le principe d'une ou deux épreuves, et surtout dans l'humour, parce que l'idée, c'est d'être avant tout truculent et hilarant, n'est-ce pas? Parce qu'on aime rire. Voilà, parce qu'on aime rire. Donc voilà, mais je vais être assez soft ce soir dans les questions, parce que les quiz les plus drôles sont sonores ou visuels, et la technologie ne nous permettant pas ce soir de profiter de ces quiz, je vais juste partir sur quelques questions. Ça fera un peu culture G en même temps, donc ça c'est cool, et on va rester dans l'univers des comics. Écoutez, vous allez jouer tous les trois, hein, et je vais ouvrir même un petit bloc-notes pour compter les points. D'accord, on est donc sur un chacun pour soi et Dieu pour tous. Exactement. Parfait, très bien, Battle Royale. Voilà. Est-ce qu'on peut définir le son de nos buzzers? Ouais, c'est exactement ce que j'allais vous demander. Il faudrait que chacun ait un mot-clé, comme quand on fait des trucs sexuels un peu dangereux où il faut avoir un mot-clé pour s'arrêter. Un safe word, absolument. Vous allez me donner chacun un safe word et puis. Ou alors dire juste votre nom. Comme ça, je saurai tout de suite. Votre nom C'est pas bête comme safe word. On dit son nom. Ouais, c'est bien, hein. Parfait. Et alors on va partir là-dessus. Et donc, je compte les questions. Il y a un certain nombre de questions. Et c'est assez basique, hein. C'est facile. Mais voilà, on va rigoler un petit peu. Alors, commençons tout de suite. Parmi ces super-héros, lequel n'existe pas? Nous avons réponse A, le nain noir. Réponse B, Dr. Hormone. Réponse C, Purple Shovel. Ou réponse D, Speed Centaur. Attends, allez. Il faut que tu les refasses plus de jeu. D'abord pour qu'on ait le temps de rigoler et d'assimiler les noms des gens. C'est pas de problème. C'est lequel n'existe pas, hein. Il y en a trois qui existent. Il y en a qu'un seul. Voilà, il y en a trois qui existent. D'accord. Il y en a un qui n'existe pas. Il y a réponse A, le nain noir. Réponse B, Dr. Hormone. Réponse C, Purple Shovel. Ou réponse D, Speed Centaur. Moi je dirais Purple Shovel. C'est quoi Shovel? Une pelle. C'est une pelle. Ok. Ah, moi j'opterais pour Dr. Hormone. Du coup je prends le nain noir, voilà, pour qu'il y ait un perdant. Je prends le nain noir. Et Chris marque un point puisque Purple Shovel est un super-héros absolument inventé par moi. Donc, donc il n'existe mais que dans ma tête. Et du coup, t'as les références des autres ou pas? Ouais. On sait qui alors, c'est. Je pourrais les avoir si j'allais choper le bouquin dans ma bibliothèque. En fait, je les ai pris dans un super bouquin qui s'appelle Les Super Zéros et qui répertorie tous les super-héros qui ont eu un ou deux numéros, pas beaucoup plus, et qui sont vraiment... qui sont des concepts absolument débiles, et il y en a certains qui ont été créés par des grands noms, hein, comme Jack Kirby ou Joe Simon, pour ne citer qu'eux. Docteur Hormone, il t'aide à développer ta pilosité ou des trucs comme alors, ça? Comment Docteur Hormone, que je me souvienne, je sais plus trop, c'est un scientifique, je crois, c'est plutôt du domaine de la science, si je dis pas de bêtises, et je me demande si il manipule pas un peu l'esprit des gens, je crois que c'est un truc comme ça. à vérifier, mais c'est, voilà, c'est, j'ai pas le bouquin sous la main, donc je pourrais pas vous dire. Mais ouais, sinon, tout cela existe. Il y a aussi l'homme puzzle, notamment, dans ce bouquin-là, qui est assez, assez rigolo. Et puis, un homme soucoupe volante, en fait, il est juste gros. Voilà. Pourquoi, je ne sais pas, mais c'est... Ouais, je trouve pas ça très marrant, personnellement, mais... Moi non plus, mais... Donc, Chris marque un point, et ça, c'est une bonne nouvelle, ou pas. Non, moi, j'aime pas. Je pense qu'à la fin, il aimera pas le quiz, de toute façon, Chris. Donc, ouais. Passons à une question tout aussi facile, n'est-ce pas. Parmi ces films, lequel a récolté le moins de recettes mondiales au cinéma? Réponse A, Suicide Squad, et j'allais dire les chiffres, mais il faut pas. Réponse B, Kick-Ass. Réponse C, Hancock. Ou réponse D, réponse A, B, C, donc D. Mais ça veut rien dire, donc du coup. Donc parmi ces films, lequel a récolté le moins de recettes mondiales au cinéma? Suicide Squad, Kick-Ass ou Hancock? Yanda, Suicide Squad. Ok. Voilà. Hancock. Ouais, je dirais Hancock aussi, ouais. Ok, et bah écoutez, c'était Kick-Ass. Qui a récolté 96 millions d'euros? D'euros? Ah ouais, j'ai mis ça en euros. Bah, peut-être, alors. Est-ce que tu peux faire une conversion en zloty? Ouais, bien sûr, absolument. C'est pour mon cousin qui écoute le podcast. Et en fait, Suicide Squad, c'est celui qui a rapporté le plus de thunes parce qu'il a eu un échec critique. Mais ah, mais j'avais pas bien compris la question, en fait. Oui. T'avais compris quoi? Oui, d'accord. J'avais compris que c'était celui le plus. Est-ce que je peux avoir un demi-point du coup? Et non, car tu écouteras mieux la question la prochaine fois. Et donc Hancock s'en sortait bien avec 624 millions de recettes, donc juste derrière Suicide Squad. Voilà, vous vous endormirez moins bête ce soir. Passons à une question sur notre ami Batman. Lequel de ces acteurs ayant interprété Batman est le plus âgé? Les mecs sont concentrés, ils sont... Ouais, je vois ça, ouais. Ça arrive, vous êtes chaud. Attends. Vous êtes chaud. Donc le plus... Avec les cadeaux qu'il a gagnés à la sortie, attends, nous, on veut gagner, hein. Je veux dire... Donc le plus vieux, le plus vieil acteur à avoir interprété Batman, enfin le plus âgé, quoi. Est-ce que au c'est moment où à... il... Le plus vieux aujourd'hui ou au Alors... moment où il a tourné? En fait, au moment où il a tourné ou au moment où aujourd'hui, en fait, il est forcément plus vieux que les autres. Quoi qu'il arrive. Pas. Donc, on ne comprend pas, manière, monsieur. De toute manière, il sera forcément plus vieux que les autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Vous avez entièrement raison. Votre logique se tient. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, j'ai les chiffres, mais à l'époque où j'avais écrit Squeeze, donc il faudrait les actualiser. Mais bref. J'ai quand même la réponse, du coup. Donc, est-ce que c'est réponse A, Ben Affleck? Est-ce que c'est réponse B, Val Kilmer? Est-ce que c'est réponse C, Christian Bale? Ou est-ce que c'est réponse D, George Clooney? Lequel est le plus vieux? Parce qu'ils ont tous les quatre interprété Batman. Moi, je dis Ben Affleck. Ah, c'est Clooney. Ah, j'aurais dit George aussi. Ouais. Moi, j'aurais dit Adam West, mais bon. Deux Clooney et un Affleck. Eh ben, c'est ça qui est étonnant. C'était Val Kilmer. C'est Val Kilmer le plus vieux. Donc, quand il a joué Batman dans Batman Forever, il avait un certain âge qu'il faudrait que je vérifie. Mais il a combien de plus que celui qui vient après, par exemple? Voilà, c'est ce que j'allais dire. George Clooney arrive juste derrière avec un an de moins. Il a un an de moins que Val Kilmer. Eh ouais. Et Ben Affleck a beaucoup d'années. 13 ans de moins que Val Kilmer. Et quand même, il devient vieux, le petit Val. Et à part Willow, est-ce que Val Kilmer a fait un bon film? Ah, c'est une bonne question. Il a joué dans Profiler, je crois, ou Profilage, un truc comme ça, qui était pas mal, un petit thriller sympathique du début des années 2000. Mais c'est tout ce que je connais. Ah si, putain, mais si, il a joué dans Top Secret, des mecs qui ont fait Y a-t-il un pilote dans l'avion, si je dis pas de bêtises. Grosse comédie américaine, super, super drôle, avec de l'humour absurde. Je vous le conseille vraiment, il est peut-être toujours sur Netflix. C'est Top Secret et c'est vraiment super drôle. C'est que des vannes débiles toutes les 5 secondes, mais pas débiles à la Scary Movie avec du caca et du pipi et du vomi, mais avec des... Non, parce que nous ici, les blagues à base de caca, ça nous fait pas rien. Voilà, exactement. Donc c'est pas la peine de commencer avec des blagues comme ça, non, ici, c'est, messieurs. C'est vraiment des... Pas de blagues avec du caca. Des super jeux sur des vannes qui sont hors champ et qu'on comprend après, une fois que la caméra s'éloigne, ce qui se passe et tout. C'est vraiment super bien. Et pour information, vous pourrez retrouver également en description de ce podcast un lien affilié pour pouvoir récupérer en streaming ce superbe film conseillé par V pour Valentin. Et en faisant ça, vous soutiendrez le podcast. Merci. Ben, vous voyez, j'étais persuadé que ce jeu allait durer que 5 minutes et effectivement, il va durer 3 heures. C'était bien mal nous connaître. C'était sûr. Alors, ensuite, enchaînons. Attends, on peut le refaire le début. Je me souviens pas bien de la première question. On peut la... Ça ira, merci. Les Purple Shovel. Ah oui, très bien. Eh ouais, eh ben putain, ouais, le mec se... Mais moi, je m'en souvenais plus, tu vois. Ah ben oui, il a marqué un point, alors forcément, il s'en souvient. À la fin, il faut se souvenir de toutes les réponses, de toutes les questions. Allez. Ouais. Alors, Wonder Woman. Non, pas des gonzesses. Non, question de bonhomme, là. Wonder Woman a été... Réponse A, déesse de la vérité. Réponse B, déesse de la guerre. Réponse C, déesse de la bouillabaisse. Réponse D, déesse de chez Citroën. C'est facile. Oui, c'est facile, c'est déesse de la guerre. Ouais. C'est votre dernier mot, Yanda, oui. Tu... Oui, ouais. Oui. J'ai, ouais. En fait, j'ai bugué sur déesse de la Citroën. D'accord. Bon, eh ben, vous mais avez oui. Tous faux, puisqu'elle a été déesse de la guerre, mais aussi déesse de la vérité. Donc, voilà, les deux réponses étaient à citer. Mais Wonder Woman a été déesse de la vérité il y a un certain nombre d'années maintenant. Je me demande si c'était pas fin 90. Avec des réponses aussi bien référencées, j'ai envie de te dire qu'on mérite au moins un demi-point. Hein, parce que... ouais, ça a été ça, mais bon, bah, je sais plus trop quand. Surtout quand c'est balancé comme ça à la légère par le mec qui est censé nous fact-checker, mais bon. Oui, c'est ça. Je ne voudrais pas avoir la tête de mauvaise foi. Comme je vous ai dit que mon quiz était très bien préparé, hein, on va pas non plus... Allez. Est-ce qu'on peut, puisque c'est l'émission où on dit tout et on balance l'envers du décor, on a passé 2 jours à dire de quoi on parle ce soir. Tout le monde a dit non mais on y va la cool, ça va le faire et tout. Écoutez, on voit que la prochaine fois on préparera un peu du coup. Absolument. Il me reste 2 questions. Eh ben je les prends. Eh ben parfait, allons-y. Parmi ces Miller célèbres, lequel est plutôt dans l'écriture de comics, George, Wentworth, Frank ou Gérard? George Miller, ok. Wentworth Miller, ok. Ok. Gérard Miller, ok. Ok. Ouais. Et c'est qui l'autre? C'est qui l'autre? Frank Miller, évidemment. Puisque c'est la bonne réponse. Qu'est-ce que c'est que ça? J'arrive pas à savoir s'il va ou pas là. Je pense que oui quand même. Tous mes effets de suspense sont ménagés. Mais tant pis, c'est pas grave. C'était Frank Miller, absolument. Mais on va tout de suite enchaîner avec la dernière question. Qui est Gérard Miller? Bah, c'est un humoriste de la télé, non? Non, c'est un psychologue et c'est aussi un homme politique, Gérard Miller. Et il bosse aussi dans le média. Il bosse aussi. Non mais je l'aurais résumé comme ça. Est-ce qu'il faut citer une de ses casquettes ou c'est comme pour la déesse de la guerre et de la vérité, faut tout dire parce que ça fait quand même beaucoup. Faut pas forcément tout dire. Par contre, humoriste. Pas tellement, effectivement, c'est plus malgré lui. Moi je l'entends, il me fait plutôt rire moi, quand je l'entends. Il est avec Laurent Ruquier, tout ça, c'est ça, c'est le mec de pote de Laurent Ruquier. C'est ça, oui, absolument. On a tout essayé, si je dis pas de bêtises. Et en ma qualité de sale gaucho, je vais pas faire semblant de pas connaître Gérard Miller. Mais bien sûr, bien sûr, tout à fait. Bon, bah, moi je propose qu'on s'arrête là et je ferai. Bah non, moi je voudrais bien qu'il y ait d'autres questions. je voulais en ferai un autre la prochaine fois, promis. J'ai encore d'autres questions dans ma besace. Mais sachez que Chris a 3 points et que les deux autres ont 1 demi-point. J'ai même pas l'impression d'avoir répondu à des questions à part à la première. Alors je sais pas d'où ça, mes points. Donc Chris est le grand vainqueur ce soir. On peut l'applaudir une fois. Voilà. Qu'est-ce que j'ai gagné? Bah le droit de rejouer la prochaine fois. Mais j'ai une capsule de bud à t'offrir, mais il faut venir la chercher quoi. Mais non, je vais pas faire une autorisation de sortie pour ça. 135 balles. Voilà. Est-ce que j'enchaîne avec ma news, ma petite réflexion sur Animal Crossing ou... J'ai l'impression que ça te tient à cœur, tu trépines sur Animal Crossing, tu vas en redire du mal ou tu vas justement... Non, je vais compléter mon truc parce que je vais compléter ce que j'ai dit la dernière fois. Tu y as rejoué donc? Non, j'y ai pas rejoué puisque je n'y ai jamais joué. Par contre, j'ai compris le principe et j'ai compris pourquoi ça pouvait être drôle. Parce qu'en fait, moi, ce qui me freinait jusqu'à maintenant, c'est que la mécanique de jeu avait l'air très rigide. À savoir, on se pointe devant un caillou, on appuie sur un bouton, on le retire et puis on doit faire ça sur les 10 cailloux qui suivent. Donc c'est un peu chiant. Enfin, en tout cas, moi, ça ne m'amuse pas. Mais chacun a ses loisirs. Mais t'aimes rien, toi, de toute façon. T'aimes rien. J'aime rien. C'est chiant les gens qui aiment rien comme ça. Oh là là. Mais en fait, je commence à comprendre l'idée parce que c'est ça a l'air beaucoup plus personnalisable que les anciens Animal Crossing et notamment au niveau des textures, on peut faire ses propres textures et les envoyer sur la toile et tout le monde peut récupérer les textures des autres pour les mettre dans son propre village. Du coup, ça change tout parce que tu te fais chier à enlever 10 cailloux mais t'as un beau t-shirt. Ouais, et là, c'est exactement ça. Le jeu est vachement mieux. Mais du coup, tu peux faire des t-shirts absolument, des affiches, tout un tas d'autres trucs et ça te permet, et c'est là où le lien avec Minecraft est encore plus... est encore plus visible, tu peux détourner en quelque sorte le jeu et faire vraiment des scénettes ou faire des lieux ou faire des univers qui ressemblent à d'autres choses qu'on connaît. Et qu'est-ce que t'as vu alors ? Qu'est-ce que t'as donné envie d'aimer le jeu du coup ? Eh ben, j'allais y venir. Si vous ne me coupiez pas la parole pour me relancer, je pourrais faire mes relances tout seul. C'est l'enfer cet épisode. Oui, c'est infernal, absolument. Non, mais alors, c'est là où l'article que j'ai lu aujourd'hui est passionnant, puisque je suis allé sur Le Tac Parfait. Si vous ne connaissez pas ce site, il s'agit d'un site de journalisme sur l'univers du porno. Et ils ont fait tout un article sur les façons de détourner Animal Crossing dans l'univers du porno. Et je vous invite, c'est facile, hein, vous allez sur Google, Le Tac Parfait, suivi de Animal Crossing, vous tombez sur l'article. Et il y a des petits malins qui ont fait tout un tas de scénettes rigolotes en mettant par exemple des armoires au milieu du champ de la caméra. Et du coup, en faisant certaines mimiques aux personnages qui sont placés derrière, on croit des choses un peu grivoises. Mais ça ne s'arrête pas là. Ils ont tapissé les murs de logos, alors que je ne connaissais pas, sincèrement, tapissé, oui, et pas que, de logos apparemment reconnaissables, mais je vous avoue que je ne connaissais pas. Par contre, ils ont mis dessous un fauteuil, des projecteurs et une chaise devant. Et donc, en fait... On a un espèce d'animal, puisque c'est Animal Crossing, donc c'est un zébu, je ne sais pas ce que c'est, qui est assis sur sa chaise et qui est en train de mater deux animaux devant lui, à moitié à poil, sur un fauteuil. Et c'est assez perturbant comme image. Alors, des animaux à moitié à poil, alors est-ce que c'est-à-dire que... Des animaux anthropomorphes. Peuvent être à moitié habillés, ou bien c'est des animaux qui n'ont que la moitié de leur poil? Comment ça se passe? Je vous laisse J'aimerais bien avoir des précisions sur cette situation. Non, mais surtout, c'est-à-dire que votre débat. Le titre, là, prend tout un autre sens, parce que si, en fait, il faut se croiser avec des animaux dans Animal Crossing, tu vois, ça devient tout à fait perturbant, quoi. Absolument, mais... Tout ça pour vous dire que je commence à voir l'intérêt d'Animal Crossing et que ça me fait marrer, mais c'est pas pour autant que j'irai y jouer. Mais voilà, le fait qu'on puisse s'approprier vraiment le jeu et le transgresser d'une certaine manière, je comprends beaucoup mieux le délire un peu à la Minecraft, comme on parlait la dernière fois, que le simple fait de déterrer des cailloux et de faire son petit village tout mignon, quoi. Voilà. Mais tu vois, en parlant de transgression, justement, je checkais ça vite fait pour être sûr de pas raconter de bêtises, mais c'est bien ce que j'avais lu. En Chine, ils parlent d'interdire Animal Crossing justement parce que les opposants politiques s'en servent pour diffuser des messages qui ne vont pas dans le sens du système politique en place. Donc, il y a d'autres types de transgressions qui sont possibles, y compris d'un point de vue politique. Absolument, il y a des manifestations dans le jeu pour un peu tout. Justement, l'article en fait mention aussi. Là, c'était sur... Même pour la Snyder Cut, Il n'y a pas une manif pour la Snyder Cut dans le jeu. Bon, ce serait fort probable. Mais voilà, je vous lis juste la fin de l'article où c'est écrit « Le milieu sex-positif militant n'est pas en reste puisque le STRAS, je ne sais pas ce que c'est, a organisé le 12 avril une manifestation in-game à l'occasion des 4 ans de la loi de 2016 pénalisant les clients et clientes prostituées, une manière comme une autre de faire entendre ses revendications, alors qu'on ne peut plus utiliser la rue pour cela car nous sommes en confinement, bien sûr. » Donc voilà, il y a des vraies manifestations, des vrais happenings dans le jeu. Il y a des musées aussi qui font des espèces de reconstitution de leur propre musée. Enfin, il y a plein d'initiatives comme ça avec ce jeu-là. Donc, c'est un peu un jeu bac à sable supplémentaire qui, pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça peut être... Tiens, je me dis, si en 14, on avait eu Animal Crossing, imagine le nombre de morts qu'on aurait évité, qu'on aurait fait la guerre aux Allemands dans Animal Crossing et hop, c'était réglé, quoi. C'est quand même moche. On serait venu déterrer leur poirier et tout ça, ça aurait été super. Bah, c'est vrai, quoi. On est passé à côté, enfin bref, on est peu de choses. Voilà, c'était ma petite parenthèse Animal Crossing. J'ai fait mon devoir pour ce soir. À vous les studios. À vous les studios. J'étais sur une... Je voulais relancer... Putain, Chris a dit un truc et je voulais le relancer dessus et ça m'a... Sur Animal Crossing en Chine, non ? Non, sur un truc intéressant. Non, sur la Snyder Cut. Ah, sur la Snyder Cut. Je sais pas où ça en est cette histoire. J'ai vu passer un truc l'autre jour, mais je sais plus trop de quoi ça parlait. À vrai dire, moi je m'en fous un peu en fait de la Snyder Cut. Enfin, je veux dire, bon, voilà. La quoi, Snyder c'est... Cut, c'est la version du film Justice League. Alors, on va rappeler le contexte. Justice League, Snyder a commencé à réaliser le film après Batman v Superman. Et sa fille est malheureusement décédée. Pendant le tournage, il s'est barré de la production, logique. Et c'est Josh Whedon qui a repris le flambeau pour terminer le film. Sauf que Snyder s'est tellement fait déposséder de son film et la Warner n'aimait tellement pas la direction qu'il avait pris avec l'univers de DC au cinéma. Que Justice League a une durée de 2 heures générique compris avec un remontage de tout le film, une suppression d'éléments incroyables et il y a eu plein de retournages, il y a eu notamment l'affaire de la stache mou de Henry Cavill qui était sur le tournage de Mission Impossible avec sa belle moustache et qui ne pouvant pas la raser a rejoué Superman pour des prises supplémentaires dans Justice League avec sa moustache qui a été supprimée informatiquement pour un rendu des plus dégueulasses. Donc, Justice League est une sorte de calamité industrielle, car il a coûté excessivement cher, plus de 300 millions de dollars, et pour un résultat très très très très très très mitigé. Et du coup, vu que ce n'est pas vraiment la version, ce n'est pas même pas du tout la version que Snyder voulait au départ, tout le monde est en train de demander la Snyder Cut, donc le montage original que Zack Snyder voulait pour son film. Donc le gars n'avait pas les infos des films dont il a parlé dans son quiz, mais il vient de faire un monologue d'une heure sur Justice League. C'est quand même assez impressionnant. Oui, parce que moi, je vous avoue que j'aimerais bien l'avoir, cette Snyder Cut, même si c'est une arlésienne qu'on la verra sans doute jamais, mais Inch'Allah, peut-être qu'on la verra. Peut-être que c'est comme pour Blade Runner, où 20 ans après, on a eu une Director's Cut et pas une version à chier avec des... avec une voix off au début pour expliquer l'histoire. Non, c'était même pas ça, c'est la voix off de Harrison Ford pendant tout le film. Bref, du coup, et peut-être que dans 20 ans, on aura une Snyder Cut, mais pour l'instant, ça me paraît un peu compromis, cette histoire. On a un spécialiste de DC Comics et un spécialiste de cinéma avec nous. J'ai du mal à comprendre que... Enfin, c'est pas un petit film amateur. Snyder, il est pas parti avec la bourse de ses enfants dans lesquels il met 50 centimes à chaque fois qu'il dit un gros mot pour aller tourner le film. Il y a un gros budget derrière, il y a le staff, il y a Warner et tout. Comment est-ce que le studio peut avoir besoin de faire un film si différent ? Enfin, pour valider et financer ce film-là, il savait où Snyder allait, le truc était écrit, il y a un staff de scénaristes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'intervenir a posteriori pour modifier de façon aussi radicale un film qui est produit par une multinationale ? Mais ça a été l'enfer, ce projet-là. Ça, à la base, ça devait être 2 films. À la base, Warner a prévu un catalogue de plein de films. Green Lantern Corps, Flash Green Lantern, un film Cyborg. Ils ont, en fait, ils voulaient tellement rattraper Marvel très vite avec son univers partagé. Marvel qui avait sorti les Avengers. Ils voulaient tellement mettre la charrue avant les bœufs qu'ils sont allés beaucoup trop vite sur plein de choses. Et quand ils se sont rendus compte du succès critique mitigé de Batman v Superman et ensuite de Suicide Squad, ils se sont dit, ah bah ouais, mais ce qui va pas, c'est le ton trop sérieux de l'univers, il faut vraiment qu'on fasse comme du Marvel. Et donc Justice League, c'était le film qui était en production au moment où ils ont eu cette réflexion-là, et c'est lui qui a trinqué, en fait. Donc c'est des décisions de producteurs, voilà, pour essayer de, selon eux, ce qui marche, c'est Marvel, alors il faut faire comme Marvel. Parce que quand on essaye de se différencier, bah, les gens gueulent. Et je pense après dire aussi, comme les gens, comme les gens qui font tous la même chose sur YouTube, par exemple. Par exemple. Mais c'est rigolo parce que du coup, on remarque que ils ont essayé de faire du Marvel avec donc Justice League et Aquaman et Shazam qui sont sortis juste après. Et mine de rien, on a eu cette année Birds of Prey qui a un ton assez différent, je trouve. C'est encore autre chose. C'est pas du sérieux sombre à la Batman v Superman. C'est pas du film de famille pour à la Marvel. C'est un truc assez adulte, féministe et avec un ton, enfin, et assez violent, en fait, quoi. Birds of Prey est assez trash, et toute proportion gardée, bien sûr. Mais voilà, on arrive encore sur quelque chose de différent. Donc leur logique dans leur film de super-héros est assez particulière à la Warner, et ils essayent un peu de trouver leur ton et ils y arrivent pas, quoi. Et je pense aussi que là, il y a eu, entre deux, tu vois, c'est un peu compliqué aussi. Il y a eu Joker, qui, ouais, du en coup, plus, n'avait pas du tout un ton à la Marvel, mais qui a très bien marché. Mais qui n'est pas dans l'univers partagé de DC, c'est encore autre chose. Non, mais cela étant, ça leur donne aussi quand même des directions, tu vois, je pense, à explorer. Je pense qu'ils se rendent compte que leur univers partagé est un peu mort, un peu laissé derrière, et qu'il faut qu'ils se consacrent à ce genre de truc. C'est comme le prochain film Batman avec de Matt Reeves avec Pattinson. Leur univers partagé, il est derrière maintenant. Ils se disent, ah bah ouais, bah en fait, si Joker il marche, on va rester sur des films standalone, donc ils suffisent à eux-mêmes avec l'univers du réel, et puis voilà, quoi. Ce qui serait pas plus mal. Ce qui n'est pas plus mal. Mais je trouve ça dommage aussi de laisser de côté un univers qui promettait, je trouve, avec Batman v Superman. Moi, je suis vendu à ce film, hein. J'aime beaucoup, notamment la version longue. Il est loin d'être parfait, mais il développe vraiment quelque chose avec des positions claires, précises et un ton particulier que moi j'ai jamais retrouvé nulle part, en fait, dans aucun film de super-héros. Donc c'est vraiment dommage de pas avoir laissé Snyder finir son truc, parce que même s'il a eu ses soucis familiaux, on lui a vraiment saboté son projet derrière, quoi. Donc bon, c'est un peu. Bah, c'est ça le truc, vas-y, Chris, je t'en prie. Le plus fort, c'est qu'en plus, on met l'échec, si on peut dire, l'échec d'un point de vue qualitatif et critique, etc., de Justice League sur le dos de Snyder, alors qu'au final, ça ne découle pas de lui, mais de tous les gens qui sont repassés derrière lui. Donc c'est quand même assez extraordinaire l'organisation qu'il y a derrière pour te faire croire que, oh là, Zack Snyder, il a bien cramé Justice League, alors qu'en fait le gars il est parti, et je pense que c'est plutôt les modifications qui ont été faites derrière qui ont bien cramé le film, quoi. Ouais, mais tu vois, c'est aussi pour ça que j'étais un peu sur la défensive en disant que j'aimais bien Batman v Superman. C'est que il se fait, alors peut-être un peu moins maintenant d'ailleurs, mais en tout cas à sa sortie il se faisait pas mal bâcher quand même, quoi, ce qui a aussi incité la Warner à changer son fusil d'épaule, quoi. Tu disais quelque chose, Yanda. Oui, en fait, ce qui est drôle, c'est que tout le cheminement que sont en train de faire un peu en tâtonnant les exés de chez Warner, et notamment via le succès du film Joker, en disant bah ça serait peut-être bien, en fait, de laisser un réal avoir sa vision et faire son job, c'est ni plus ni moins ce que voulait faire Snyder au départ. Snyder, il a toujours eu son plan de prévu depuis Man of Steel, c'était tracé. Il avait effectivement, voilà, ce BVS et après son Justice League en deux parties. parti. Et au final, il s'est fait couper l'herbe sous le pied et même sous le genou. Mais c'est vrai que il a souffert de plein de choses. Son Man of Steel, il a souffert après, je pense aussi, de l'introduction du personnage de Batman pour un public plus large, de la comparaison avec Nolan. J'ai beaucoup de gens autour de moi, j'ai pas mal de potes autour de moi qui n'ont pas aimé BVS parce que ils le comparent à la trilogie de Nolan et du coup, alors que ça n'a absolument rien à voir, d'une part dans le travail, mais aussi dans la vision scénaristique et dans le projet et dans l'histoire et dans les thématiques surtout abordées. C'est ça, moi, que j'aime beaucoup sur les deux premiers du coup films de Snyder, c'est qu'il y a vraiment une thématique hyper forte et pour le coup hyper câblée sur l'univers DC et sur les personnages, tout ce système de déification, c'est très de messianique pour Superman et tout, enfin voilà, c'est complètement ça, et je trouve dommage qu'il n'ait pas eu l'occasion d'amener cette vision là à son terme, quel qu'en soit le résultat. Ça se trouve, sa version qui continue de teaser et d'attiser justement les foules en disant, en balançant de temps en temps des petits trucs pour justement redéclencher des vagues, peut-être que sa version finale elle est nulle, mais c'est dommage de, en tout cas, de ne pas pouvoir se faire son propre avis dessus, quoi. Ben ouais, mais le souci, ouais, c'est que Batman, enfin son Batman v Superman, le nouveau Batman en fait arrivait très tôt. Enfin très très tôt dans le, juste après Nolan en fait. Les gens n'ont pas eu le temps de, tu vois, c'était encore trop frais dans les esprits et forcément il a souffert de cette comparaison là. Et c'est peut-être l'erreur aussi, c'est de pas avoir fait un film solo Batman avant pour vraiment introduire le personnage tout seul en dehors de Superman. Moi, ça ne me gêne pas de le voir comme ça, mais c'est vrai que de ouais, mais de est-ce montrer... qu'il y a vraiment besoin d'introduire Batman? Enfin, tu vois, je veux dire, les films Batman, disons, il y en a tellement eu. En fait, le principal reproche, c'était de dire non, mais Batman, il est trop violent, il tue des gens et tout, machin, alors qu'on comprend dans le film qu'il a une évolution, qu'il est vieux, que c'était pas comme ça avant, et que voilà. Sauf que c'était peut-être pas suffisamment clair et que le public a peut-être pas compris, et qu'avec un film solo avant, ils auraient peut-être davantage. Compris le délire, j'en sais rien, mais globalement il y a un gros problème d'écriture, tu vois. Moi je reproche pas du tout, moi j'étais assez content de voir qu'on pouvait partir dans une autre direction, de voir un film qui était beaucoup plus sérieux, qui était tout genre de choses. Je ne partage pas ton affection pour ce film, parce que je trouve que les trucs sont mal amenés, en fait. Je trouve que l'écriture est un peu patode, je trouve que effectivement quand tu l'as compris, l'histoire avec Martha, ça peut être intéressant. En revanche, dans le film, c'est amené avec le cul, quoi. Et le fait qu'on ait besoin de faire des films qui développent un intérêt et à la fin de tout péter parce qu'on va mettre un boss de fin, et il y a le même problème dans le film Wonder Woman, ça me dérange. Je trouve ça un peu con. Si tu prends, là on n'a pas besoin d'avoir ce je me trompe toujours ce Doomsday à la fin du truc, et qui est en plus pas méga bien fait, qui sert à rien, qui vient de nulle part. Enfin bon, pour le coup, là, ça sert pas à grand chose. De la même façon que le combat à la fin du film Wonder Woman sert à rien. On nous fait un boss de fin pas très bien fait, qui se bagarre avec des éclairs et tout. Reprenez le même film, on garde tout le film, mais juste on dit. Elle arrive devant le mec et elle se rend compte qu'en fait, bah non, il n'y a pas de dieu de la guerre qui manipulait les trucs, et c'était elle a été endoctrinée par ce truc là et elle passe quand même tout le film à dire je vais aller péter la guerre, et donc elle était endoctrinée par cette espèce de religion dans laquelle elle est éduquée, et ça permet d'avoir à la fois un regard sur la religion et à la fois d'avoir un regard sur en fait l'homme a besoin de personne pour se détruire lui-même, quoi. Et tu peux rentrer des trucs philosophiques, mais à chaque fois il faut qu'on rentre une bagarre faite en chier d'effets spéciaux ratés, et du coup ça dessert complètement le propos du film, qui pourrait justement être un film de super-héros qui se concentre pas sur des bagarres un peu tape à l'œil avec des effets spéciaux partout, comme ce que fait la concurrence. Et c'est là où on pourrait attendre Warner sur de la construction de film, quoi. Et puis, c'est pas n'importe quoi, c'est Warner Studios. C'est-à-dire, c'est quand même une boîte qui sait, normalement, construire des pépites cinématographiques comme ils l'ont fait comme tout au long de leur histoire. Et comme ils l'ont fait. Après, tu vois, je rejoins ton point, ton avis sur Wonder Woman, où effectivement le final et la confrontation finale pour moi est, enfin pas, alors inutile, ça serait, enfin si, oui si, elle l'est. Autant pour BVS, Si t'enlèves Doomsday, alors je suis d'accord avec toi, visuellement et tout, c'est juste du CGI porn, on met des effets spéciaux, des explosions partout, ça pète, etc. etc. Mais si tu l'enlèves, il n'y a plus justement la menace suffisamment imposante, symboliquement parlant, pour engendrer le sacrifice que fait Superman pour sauver l'humanité. Et ce qui fait qu'il y a besoin, et ce qui conduit après, bah justement, à toute cette rédemption recherchée derrière par Batman et accompagnée par Wonder Woman. L'élément déclencheur de ça, c'est Doomsday. Si tu l'enlèves, il n'y a pas, dans le film tel qu'il est, de menace suffisamment importante pour engendrer un sacrifice de Superman. Et du coup, là, ça ne marche plus. Je ne l'ai pas revu depuis longtemps, donc je ne vais pas... critiquer pinailler. Ce point. Pinailler, ouais, si tu veux. Après, bon, je pour le souvenir que j'en ai, on doit pouvoir bricoler un truc avec Luthor, tu vois, qui est là, qui est dans le film, qui est installé, plutôt que de nous dropper une menace vite fait à la fin. Mais je t'accorde ce point, tu vois, genre, parce que je l'ai pas eu depuis longtemps. Après, j'ai vu repasser il y a pas longtemps un article qui datait de quelques mois où en fait il y a eu une de Zack Snyder sur alors je crois que c'était via Vero du coup qui est un réseau social auquel il est rattaché, il affectionne poster des trucs dessus. Il a fait en fait un visionnage de BVS avec des commentaires en live, et du coup il a apporté plein de précisions sur la façon dont il avait envisagé les trucs, abordé les choses, etc. etc. Et c'est plein d'infos super intéressantes. C'est en anglais, mais ça reste quand même grosso modo compréhensible. Vous devez pouvoir trouver ça en sur tapant... Sur YouTube, absolument. Ah ben voilà, ben, même sur YouTube, très bien. Comme quand on trouve vraiment tout sur YouTube. Mais, c'est incroyable mais... Vous tapez Zack Snyder, Vero, V-E-R-O, donc BVS Commentary, et là, il y a plein de vidéos. En fait, ça a été découpé en plein de vidéos, entre 1 minute et 5 minutes, en fait. Et il explique tout. Et il y a plein de choses vachement intéressantes, dont notamment j'en ai une qui m'est restée, parce que celle-là, pour le coup, j'avais pas du tout percuté, mais il a pensé et voulu le film comme étant une boucle, en fait, et c'est pour ça que le film démarre sur la scène de l'assassinat des parents de Bruce avec le coup de feu, et se termine avec, enfin, quasiment, avec un coup de feu des soldats, voilà, qui tirent un coup de semence pour honorer la mémoire de Superman. Et ce qui fait que. Un coup de semence. La boucle. Ou sommation? Du coup, et cette notion de boucle qui se boucle, du coup, j'avais trouvé ça hyper malin, et voilà, son commentaire apporte tout un tas de choses. Alors, certes, c'est sa vision, c'est toujours un peu dommage que l'artiste soit obligé d'expliciter sa volonté et tout ça, mais ça n'en reste pas moins hyper intéressant, et il y a plein de choses qui me font d'autant plus regretter de ne pas avoir vu ce qu'il voulait faire et ce qu'il avait envie de faire avec Justice League. Et du coup, là, cette explication, il doit la faire sur Internet? Elle aurait pas pu être dans un commentaire audio? Tu crois que Warner a pas édité un truc pareil? Non. Non, je pense que BVS, ils ont déjà, voilà, ils ont laissé sortir la version longue, la Director's Cut, Ultimate Cut, Snyder Cut, BVS Top in the Mix. Mais après, non, derrière, il y a pas de, ça a pas vocation à être fait, je pense pas. Je pense que eux, ils veulent oublier, quoi. Non. Quand Disney les aura rachetés, ils corrigeront tout ça vite fait avec l'outil tampon de Photoshop, et puis ça sera réglé, on n'en parlera plus. Ils remettront la moustache de Superman. Ben oui, bien sûr. Ils feront tout un costume en moustache et on verra pas qu'il a une moustache. El super hombre. N'empêche, tu vois, un Superman à moustache, il y en a un qui a grave la classe dans la série Invincible, et bon... Moi, je suis assez chaud pour qu'on lui recolle sa moustache, qu'on lui mette le costume du papa d'Invincible et qu'on le voit dans ce rôle-là, quoi. En plus, ça va, Cavill, il porte bien la moustache, hein, c'est bon. Et la cape, les deux? Et la cape également, ouais. Il porte bien tout, Cavill, de toute façon. C'est un Superman extraordinaire. Oui, tout à fait. Voilà, le mot est bien choisi. Et juste, ça fait relance artificielle, mais j'ai pas réagi sur un truc. Tu dis Snyder reparle de ce truc-là régulièrement. Snyder, il remet souvent une bûche dans la cheminée pour rallumer le feu de la scène de la fameuse Snyder Cut. Mais oui, mais oui. Il est temps, très souvent tous les trois mois. Ouais, c'est ça. L'intervalle est pas régulier, mais presque. Il y a un acteur qui l'a vu, qui a trouvé ça trop bien. C'est ça. Voilà, c'est. Et t'en as qui sont rentrés Jason dans Momoa, son jeu. Il arrête pas. Ouais, voilà. Jason Momoa, il arrête pas de dire, moi, je l'ai vu, c'est trop bien. Là, récemment, c'était, je sais plus si elle bossait dans les effets spéciaux ou dans les cascades ou je sais pas quoi, qui, ouais, moi, j'ai vu la Snyder Cut. Vraiment, c'était trop bien. Mais en fait, on n'en sait rien, quoi. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est juste de la com, si c'est du gros bullshit. C'est assez particulier. Il relance. Est-ce que c'est pour faire chier Warner parce qu'il a un peu les boules, voilà. On ne sait pas. Ou est-ce qu'il s'en fout? Est-ce que ça l'amuse en fait, juste? Est-ce que c'est juste du troll gratuit et que il a envie de voilà de faire chier et de trigger un peu les gens? Mais si il poste. Alors soit lui poste ou effectivement comme Dival, soit les acteurs ou membres postent. Mais lui, il va poster des concept art, des petits trucs, des petites scénettes de scènes de FX mais pas finies. Je me souviens qu'il avait posté, mais ça c'était il y a longtemps, la scène qui était d'ailleurs hyper bien, de Barry Allen qui sauve Iris, puisque Iris West était supposée apparaître dans Justice League, et il y avait une scénette de prévu où tu vois Barry Allen qui va sauver Iris d'un accident de voiture, et elle doit pouvoir être trouvable sur YouTube aussi, et c'est une scène qui n'est pas terminée en termes d'FX. Donc t'as juste le visuel et la représentation de la scène, et rien que ça déjà, enfin c'était oufissime. Il y avait avec la voiture qui commence à se soulever, et en fait tu le vois se rapprocher, et il avait prévu que en gros en une espèce de ralenti un peu bullet time où il sort Iris de la voiture, et enfin c'était juste fou. Mais juste avec des petits concept art aussi, hein, de temps en temps il va poster un petit visuel de Darkseid, et ça y est. Twitter et les réseaux prennent le relais et mettent le feu aux poudres en disant ah mais regardez elle existe c'est sûr, enfin voilà c'est je sais pas, je vais aller voir tout ça, ça lui plaît, je dis ça mais je le ferai pas, vous savez que je le ferai pas parce que comme Chris je n'ai pas aimé voilà. Si ça, j'adore Zack Snyder, non, arrête, pour une fois que j'aime un truc dans cette émission, j'adore Zack Snyder. Attends, quel génie Zack Snyder, sans blague. Tu veux nous parler de Sucker Punch, c'est... là oui, entre autres, je peux te parler de Sucker Punch, qui est un excellent film. Et Zack Snyder, c'est un mec qui a vraiment une vision du comics à l'écran, comme on en voit, par exemple, dans... Là, c'est pas en mode, on va dire, ah, c'est parce que t'es anti-Marvel. Les films Marvel sont tous calibrés, mais pour moi, il y a très très peu de scènes qui représentent des scènes de comics à l'écran. Il y a par exemple la scène de baston dans Avengers, la scène de baston finale où t'as un grand plan séquence, etc. Ça, tu vois, pour moi, c'est une case, c'est genre une double page de comics. Mais dans la majorité des films, à part quelques petites scènes de baston, quelques petits plans très précis, t'as pas vraiment une vision orientée comics dans les films Marvel. Tu peux pas t'imaginer que c'est du comics papier vraiment porté à l'écran. C'est vraiment de l'adaptation, voilà quoi. Filmé comme une série télé en champ contre champ les trois quarts du temps. Et chez Snyder, il y a vraiment cette vision qui est vraiment imprégnée des images qu'on voit dans les comics. Il y a une symbolique qui est énorme, il y a un travail qui est énorme sur toute l'image, la photographie et tout, et c'est un des seuls réalisateurs chez qui il y a ce ton-là et cette vision-là. Donc il a vraiment fait un travail intéressant. Après, on peut trouver, ça peut ne pas convenir à tel ou tel public, mais on ne peut pas renier le travail de réalisateur qu'il y a derrière. Voilà. Le créateur d'image, ouais. Ouais, parce qu'on met tout sur le dos du réalisateur, mais il y a un scénariste, il y a des gens qui font les effets spéciaux, il y a... Ah bah bien sûr, voilà. Il y a énormément de... Il n'y a pas qu'un mec tout seul qui fait ça dans sa cave, heureusement. Non. C'est pas YouTube ici, quoi. C'est pas le même budget, les gars. Bon, et bien voilà, c'est tout pour moi. Moi, je n'avais rien de plus à ajouter. C'est l'heure de fermer boutique, c'est ça, hein? Chris boit de l'eau, effectivement. Je suis témoin, hein, donc c'était pas une vanne. Hein. Il boit vraiment de l'eau. De la cristalline. C'est de la cristalline, tout à fait, hein, voilà. Et allez, placement de produit, vous retrouverez bien évidemment des liens d'affiliation pour pouvoir acheter de la cristalline sur Amazon. Voilà. Et surtout, lavez-vous les mains. Et vous soutiendrez les Staminerds en passant par ces liens d'affiliation. Par quoi on pourrait se faire, parce que Chris, cristalline, c'est évident, mais par quoi on pourrait se faire affilier, nous autres, tu vois, il faudrait qu'on trouve quelque chose, quoi, sur... Val-de-Marne. Il y a un vrai concept à creuser. Hein. Bon, tu m'as pas donné envie de rejouer à Animal Crossing. Mais j'avais, j'avais fait j'ai pas envie non plus. Hein. J'avais fait des tapisseries en mettant des zigounettes et tout quand j'avais vu qu'on pouvait fabriquer ses propres motifs aussi. J'avais une très très très très belle maison tapissée entièrement de tubs. Toi, tu sais t'occuper. Non, par contre, je continue de jouer à Breath of the Wild et c'est toujours autant un plaisir. Et ce jeu est tellement fabuleux, c'est un truc de dingue. Tu le fais en hard, toujours en hard. Ouais, toujours en expert, ouais, et là, ça va, je commence à ne plus trop galérer, donc c'est bon. Mais on ne peut c'est pas bon, se faire une tunique avec des tops dessus, quand même. C'est quand même le gros point noir de ce jeu. C'est, ouais, c'est vraiment ce qui m'a hésité à balancer ma Switch, en fait, parce que, ouais, on ne peut pas, ouais. C'est décevant. On ne peut pas faire ça. C'est très très décevant. Pas de tub, pas de téton non plus. Quand tu mets Link tout nu, il est en short déjà. Mais que c'est chaste. Tu vois pas ses tétons. Il est avec un boxer de type fort long. C'est ça. Non mais c'est parce que les Japonais ils ont une aversion pour les tétons, c'est censuré tout. Même Mario, quand tu le mets en maillot de bain, il a pas de tétons. Les Japonais disent non, pas les tétons. Vous aurez appris ça ce soir dans les Staminer. Personne n'est resté aussi longtemps. Personne n'aura pu apprendre. Non, non. J'espère que personne. À mon avis, les gens sont partis à Purple Shovel. À mon avis, à ce moment-là, les gens se sont barrés, je pense. Non, mais il faut qu'on invente les aventures de ce personnage. Je pense qu'il peut avoir une vie trépidante. Non. Bah attends, il y a des millions de gens qui sont tous en train de jouer à un jeu où il faut prendre une pelle et aller creuser pour creuser des petits cailloux, récupérer des. Oui, mais les gens sont enfermés chez eux et ils n'ont pas d'activité le reste de l'année. Ils vivent pour leur travail. Donc là, ils s'ennuient. Donc ils s'occupent comme ils peuvent. Voilà. Bientôt, ils pourront tous retourner travailler pour sauver la France et enfin, ils arrêteront de se plaindre de l'ennui. Voilà. Et ça, c'est important. Pourront travailler 50 heures par semaine pour sauver la France, et là on dira « Ah, enfin on ne s'ennuie plus !» Voilà. Pour rattraper le retard. Ouais. Pourront se replaindre de leur travail, du coup, et de ne plus s'ennuyer. C'est beau ça quand même. Je ris parce que j'en connais vraiment des comme ça dans mon cercle proche d'amis. Au-delà de vous, bien sûr, parce que vous êtes mes meilleurs amis, bien sûr. Tu peux y aller, de toute façon, ils sont partis à Purple Shovel. Mais oui, j'en connais qui ne vivent que pour cracher sur les gens du travail, de leur travail. Bref. Nous sommes à 1h30 d'émission. Soit j'enchaîne directement sur mon anecdote pipi, soit vous avez un sujet beaucoup plus intéressant à aborder. Non, mais dis-le si on t'emmerde, on voit bien que t'as envie de te barrer là. Non, mais je vous avoue que j'aimerais bien que vous ayez un sujet intéressant à aborder parce que l'anecdote pipi c'est vraiment facultatif. C'est pour combler le vide quoi. Matt voulait qu'on parle de la façon dont on triait nos comics, mais peut-être qu'on garde ça pour la prochaine fois parce que ça doit être un peu plus long et. Moi, je ferais bien ça en live avec les gens, en fait. D'accord. L'idée, c'est de comment, je propose qu'on parte en live tout de suite. Non. Comment on range sa collection de comics, est-ce qu'on a des applications, comment on arrive à suivre, à être à jour dans les nouveautés, à pas acheter de double. Et autant nous, on a tous une méthode, autant je suis assez curieux d'avoir aussi les méthodes des gens qui nous écoutent et je ferais bien cette émission en live. C'est facile. Avec nos auditeurs. C'est facile, ils sont pauvres, donc ils ne peuvent pas acheter plein de comics. Voilà. Donc du coup, ils risquent pas de se tromper. Tu les achètes pas non plus, tu les reçois en service de presse car les éditeurs te graissent la patte. Bah pas tant que ça en vrai. On pourra en parler, ce sera intéressant d'en parler, mais je reçois assez peu de service presse, en vrai. Plus que les gens qui ne font pas de vidéos, pas de blogs, etc. Merci. Mais c'est évident, en même temps si tu t'assois dans une pièce et que t'attends qu'on t'envoie des livres, personne ne t'enverra de livres, tu vois. Mais en vrai, en comparaison de plein de trucs, enfin je reçois très peu. On en parlera en live, mais ça sera intéressant aussi d'expliquer le fonctionnement du service presse. Que tu dois faire en échange de ces bouquins, ouais. Oui, voilà. Que ça reste quand même du travail entre guillemets, évidemment c'est pas à la mine, hein, d'accord. Mais que ça reste quand même un travail et surtout que t'es pas acheté par l'éditeur et t'es pas obligé d'en dire du bien. Bah, par exemple très concret pour boucler la boucle de cette émission. J'ai reçu White Knight en service presse. Je n'ai pas aimé. Tu peux aller voir ma vidéo sur White Knight. Je te dis que je n'ai pas aimé. Jamais Urban Comics ne m'a reproché d'avoir dit que je n'avais pas aimé White Knight. Voilà. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Et donc, de ce podcast, juste après l'anecdote pipi que Valentin ne veut pas vous révéler. C'est pas trop honteux puisqu'en fait, ça m'est arrivé Je devais avoir 6 ans, un truc comme ça. Donc, voilà, l'enfance fait que c'est moins grave tout de suite. J'ai tué quelqu'un, mais j'avais 8 ans, donc c'est moins la grave. La petite couche de mignonnerie posée dessus, là, tout de suite, hop, le filtre mignonnerie. Oui, c'est ça. Faut m'imaginer avec des petites bouclettes blondes, des grosses lunettes de... qui me donnaient un air de hibou, et puis voilà, je dépassais pas le mètre. Je te rappelle qu'à cet âge-là, si on se vomit dessus dans un McDonald's, on fait rire tout le monde. C'est vrai. Non, mais là c'était on reste dans le confinement, hein, puisque ça s'est passé dans un ascenseur. Alors, j'habitais à Paris à l'époque. Mes parents habitaient à Paris, bref. Et, tu n'habitais pas seul à 6 ans dans ton propre appartement non, à Paris. Je n'habitais pas d'accord. Exactement. Je préférais préciser parce que. Oui, c'est vrai, on sait jamais. Maintenant, les enfants sont tellement matures. On ne les voit pas grandir. Je suis pas précoce pour tout. on rentrait le soir. Bref, j'ai pas. C'était il y a 24 ans, hein, donc j'ai plus tous les détails en tête. Mais il se trouve qu'on se retrouve dans. C'est ce que disent tous les tueurs en série. On se trouve dans cet ascenseur et malheureusement, il s'est coincé. Ça arrivait à l'époque, c'était un ascenseur pas très très fiable. Et il s'est coincé entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Et donc, on ne pouvait rien faire, sauf que j'avais une énorme envie d'uriner. On parle d'un ascenseur à paroi lisse, complète, pleine, ou de ces ascenseurs parisiens avec une paroi à petite grille? Ouais, non, alors c'est pas la petite grille, c'est vraiment la paroi lisse. Voilà, on était isolés du reste du monde, vraiment. J'aurais adoré que tu me racontes que t'as pissé à travers la grille dans la cage d'escalier. Oh non, mais c'est bien mieux que ça. Mais c'est pas l'endroit où j'ai pissé qui est intéressant. Vous allez comprendre. On était vraiment coincés pile au milieu. On avait la moitié de la porte qui permettait d'accéder à l'étage, en fait. Sauf que un ascenseur est composé de deux portes, la porte de l'ascenseur et la porte de l'étage. Donc on pouvait ouvrir la porte de l'ascenseur, mais pas la porte de l'étage. Il fallait que quelqu'un de l'extérieur ouvre cette fameuse porte pour nous, pour qu'on puisse se hisser ensuite dans le... à l'étage qui correspondant. Bref, en attendant que quelqu'un arrive pour gueuler, hey, on est là, au secours, aidez-nous. Et ben, c'est pas arrivé tout de suite. Et moi, j'avais envie de faire pipi et je ne sais pas pourquoi j'avais des bottes. J'étais en bottes, voilà. Et ma mère me dit, écoute, là, si t'as pas le choix, de toute façon, au pire, là, on rentre après. Donc, vas-y, pisse dans ta botte. Et puis, c'est pas grave, quoi. C'est pas grave. Donc, au bout d'un moment, l'envie étant très, très pressante et n'ayant que 6 ans, encore une fois, le mec qui se dédouane de tout parce qu'il a 6 ans, je commence à uriner et ce liquide chaud à l'odeur caractéristique coule le long de ma jambe et finit dans ma botte droite de mémoire. Ah, pardon! Alors, attends. Attends, je viens de comprendre la scène. Parce que moi, je m'étais dit... Spoil pas, hein, si t'as l'idée de la suite. Bref, vas-y. Non, pardon, vas-y. Qu'est-ce que je m'étais dit, tu as enlevé ta botte. Non, ouais, tu as ouvert ta braguette et tu as pissé dedans. T'as un récipient, un réceptacle. Non, aucun de nous trois, parce que donc j'étais avec mon père et ma mère dans l'ascenseur, et aucun de nous trois n'a eu cette intelligence d'esprit, cette présence. Donc tu as pissé à travers tes fringues, en espérant que la production ruisselle le long de ta jambe pour tomber dans une botte. Ouais, parce qu'en fait, je pense, mais là, encore une fois, les souvenirs sont flous, mais je pense que, tu sais, j'avais mis mon pantalon dans ma botte, donc il n'y avait aucun risque que ça sorte à l'extérieur, tu vois, forcément, ça allait atterrir dedans. Ah, mais j'attribue quand même plus 10 points pour la technique, parce que je pense que pour arriver à orienter uniquement de côté droit, franchement, non, là, mais, ouais, non, là, c'est... Là, pareil, j'ai un doute, peut-être que ça a été dans les deux bottes, je ne sais plus. mais il me semble que c'était plus dans la droite, bref. Ok, donc là, t'es dans un, ascenseur avec tes parents... Ok, et tu portes donc tes fringues qui sont pleines de pisse en espérant que ça coule dans la botte. Ouais, c'est un peu ouais, ça. D'accord, ouais. Très bien. Voilà, c'est un peu ça. Et je me rappelle que je flippais parce que il y avait la grande vadrouille qui passait à la télé. Je voulais absolument pas le louper. Et du coup, j'étais paniqué en mode ah mais on va louper le début. Mais non, t'inquiète pas, mon petit chéri, pisse et ça ira mieux après. Bref, Spoiler, j'ai pu voir La Grande Vadrouille en totalité et propre, et donc ça c'est cool. Mais donc l'histoire ne s'arrête pas là, car nous arrivons enfin à interpeller quelqu'un à l'extérieur qui nous entend et qui se débrouille pour ouvrir la porte de l'extérieur de l'ascenseur. Et donc on remarque qu'il y a un petit interstice par lequel on peut passer pour sortir, quoi. Et la personne est dame pipi. Non, pas du tout. Je sais plus qui c'est un voisin ou je sais pas trop. Bref. Mais donc voilà le moment où il faut qu'on sorte. C'était donc, Purple Shovel. C'était Purple Shovel, c'était <C'est... rire> Mais il faut qu'on sorte, et donc il faut que je sorte le premier, parce que voilà, il suffit qu'on me porte et qu'on me fasse passer par ce fameux interstice. Et je ne sais pas pourquoi, parce que même moi, ça m'a paru bizarre à ce moment-là, mais ma mère a tenu absolument à me faire passer les jambes la première par la porte. Donc forcément, vu que c'était en hauteur... Elle m'a basculé. Ah putain. Et là, il s'est passé quelque chose, ouais, d'absolument mémorable. La gravité a repris ses droits, du coup. La gravité a repris ses droits, tout a recoulé dans l'autre sens. Et ma mère qui me levait très haut au-dessus de sa tête, bah, s'est tout ramassé voilà, tout a coulé dans sa belle chevelure, hein, n'est-ce pas ? Ma mère qui est une sainte femme, hein, mais... Mais voilà, malheureusement, là, elle n'a pas eu le nez très très fin. Est-ce que par réflexe, elle t'a lâché? ça explique beaucoup de choses me concernant. Mais ouais. Non, mais du coup, le pire, c'est qu'en fait, ça ne marchait pas. Je sais pas, j'étais paniqué ou un truc comme ça, mais du coup, on s'est rendu compte que c'était mieux que je passe dans l'autre sens, donc elle m'a rattrapé pour me refaire passer la tête, la première, ce qui aurait dû être comme ça depuis le début, et que du coup, tout ce drame ne serait pas arrivé, mais voilà. Bref, je suis sorti de l'ascenseur, tout le monde est sorti après, tout le monde était sain et sauf, mais il y avait deux personnes qui sont rentrées. Et qui se sont lavés. Voilà, c'était mon anecdote pipi. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. C'était très drôle. Ah oui, moi j'ai toujours adoré les gens qui avaient l'esprit pratique. Et je pense qu'on en a un bon exemple. Voilà. Et donc La Grande Vadrouille, c'est vraiment un super film. Écoute, je commence à me dire que j'ai un enfant de ton âge, donc il n'est pas impossible que je... Enfin, que de ton âge à cette époque. Que tu lui achètes des bottes. Mais ouais, c'est ça, j'ai envie de produire des anecdotes pour un podcast qu'on pourrait écouter dans quelques années. Ouais, hein. Faut que t'aies un ascenseur aussi. Enfin, il y a pas mal d'éléments, là, à prendre. Faut qu'il y ait La Grande Vadrouille qui passe à la télé le soir et tout. Enfin, c'est... Voilà, quoi. Par contre, je m'engage à spoiler. Hein. Si jamais je suis dans la position des parents de l'enfant, je raconterai les anecdotes avant qu'on n'ait pas besoin, voilà, de les attendre pendant quelques années, quoi. Mais oui, je les raconterai immédiatement. Non mais j'ai beaucoup aimé, c'était très bien. Eh ben ça me fait plaisir. J'en ai pas là, je... Non, toi t'es plus dans le caca. Ouais, ou la viande qui cuit sur la chaussée. Ah c'est vrai, mais tu l'as pas, tu nous l'as raconté à nous, mais tu l'as pas raconté en... Non, j'ai jamais raconté l'histoire de... Elle est bien en vrai, c'est vraiment une super anecdote. Ah c'est dommage qu'on ait plus le temps de la raconter ce soir. Quel teaser vraiment, mais alors. Mieux que la Snyder Cut. Je me rendais à une interview qui devait être une interview extrêmement sympathique, puisque j'avais rendez-vous avec le groupe Parabellum pour faire une interview d'eux au moment de la sortie d'un album. Est-ce que c'est Civis Pacem? C'est peut-être, mais c'est un peu, non, Civis Pacem Parabellum. Enfin bref, c'est l'album qu'ils ont fait, ça doit être en 2007. Voilà. Il y a une chanson de Renaud de Lefofora dessus. Et du coup, ben, je me rends à cette interview. Je suis dans ma voiture. On est à la fin du mois d'août. Et je venais de Normandie. Et donc, si vous connaissez un peu la région parisienne, vous prenez l'autoroute. Vous arrivez en région parisienne. Vous devez passer un grand tunnel avant de pouvoir rentrer dans la ville de Paris. Et là, gros embouteillage. Impossible d'arriver jusqu'au fameux tunnel pour rentrer dans Paris. Ça prend un peu de temps, même beaucoup de temps, énormément de temps. Bref, ça c'est pas intéressant. C'est la cause en fait. Quand on a fini par commencer à pouvoir avancer et qu'on a vu les gens en train de gratter la chaussée, on a pu avoir quelques explications, puisqu'en fait, un camion d'écarissage... Alors l'écarissage, c'est toutes les chutes de viande, quoi. Donc, c'est un peu un camion poubelle plein de viande en sortant de l'abattoir. Un camion d'écarissage avait perdu son chargement sur la route. Et sous le soleil du mois d'août, la route étant bien chaude, la viande a littéralement cuit, cuit sur la route. Donc on était bloqué par des abats de viande en train de cuire sur la route. Alors en plus, bah, tu peux pas rouler dessus, ça glisse, ça salit les roues, puis ça sent pas bon, puis c'est chiant à nettoyer. Bref, ça prend du temps. Les mecs de la DDE ont bien travaillé, bref. Du coup, je suis arrivé presque en retard à cette interview avec Parabellum parce qu'il y avait de la viande en train de littéralement cuire sur la route. De fusionner avec le bitume, quoi. Bah, c'était très sympa. Ouais. Mais ça sentait, du coup ? Ça sentait la barbac cuite ou... Non, j'en ai pas le souvenir, donc j'ai envie de dire non. Je pense que ça m'aurait marqué. Mais non, c'est plutôt le contexte, quoi. C'est, En tout cas, une petite idée cuisine, hein, pour ceux qui sont enfermés chez eux actuellement, vraiment. N'hésitez pas, hein, au premier beau jour, hein, un petit morceau de bidoche sur la route. Bon, surtout, la route devant chez toi est propre, là, il n'y a plus de voiture qui passe. Mais voilà, c'est le moment ou jamais. Hein. Ouais. Alors n'oubliez pas de laver vos routes, hein, évidemment. On se lave les mains et on lave sa route avant d'entreprendre tout acte cuisinal. Voilà, et après je me suis fait embarquer ma bagnole à la fourrière. Le même journée. Ah, chouette. Parce que du coup, comme j'étais en retard à l'interview avec Parabellum, j'avais une autre interview derrière. J'étais en retard à l'interview avec Parabellum, en plus les mecs étaient sympas, j'ai un peu traîné. Donc je suis arrivé très en retard à ma deuxième interview. Je trouvais pas de place dans le quartier, j'ai vu une ruelle où il y avait des bagnoles qui avaient l'air d'être un peu garées. Je me suis dit, bon, il y a du monde un peu garé, même si c'est pas super safe, ça doit pouvoir le faire. Donc je me suis garé là, je suis allé faire mon interview avec l'autre groupe, qui était beaucoup moins intéressant et cool. Et quand je suis ressorti, en fait, toutes les bagnoles de la rue étaient parties à la fourrière. Et bah tu sais pourquoi ? Parce qu'il y a un mec qui est rentré chez lui, qu'est-ce qu'il arrive en bagnole ? Il y avait un gars à sa place, donc il a appelé la fourrière, le mec est arrivé avec une lampe torche, et bah ils ont emmené ta bagnole, c'est tout, voilà. Ouais, c'est comme normal. Ça que ça s'est passé. Hein. C'est vrai je que ça sais parce que j'y étais. Mais le mec était calme ce jour-là. Le mec avec la lampe torche était calme. Ouais, parce qu'il faisait beau. Il y avait du soleil, il faisait chaud même ce jour-là. Il y a une petite odeur de barbecue dans l'air, tout ça. Donc le gars était pas trop vénère. Tu vois. Il a plutôt bien pris, à mon avis. Voilà, je propose de nous laisser sur ces magnifiques anecdotes. C'était vraiment ça super. Très bien. C'était ouais, enrichissant. Je pense que tout le monde, tous les auditeurs vont en sortir grandi. Attends, on fait à la fois des idées cuisine, des astuces tuto pour sortir d'un ascenseur. Enfin, il y a plein de choses importantes à noter dans cette émission. Pour prendre sa douche, ouais, absolument. On a appris plein de choses. Des conclusions pratiques. Du coup, on a quand même teasé des trucs, parce qu'on a teasé une émission en live qu'il va donc falloir faire maintenant. Ah bon ? Sur les services de presse, l'organisation de la collection, ce genre de choses. Tout ce qu'on vous a promis était là, évidemment. Les jingles entièrement faits à la bouche seront rajoutés en post-production, je l'espère. Le quiz de Valentin était là. Ouais, promis, je vous en prépare un autre pour la prochaine fois. Il sera mieux structuré que celui-là. Et ça va être chouette. Prépare, d'accord. Préparé. Oui. Enfin, ouais. Je vais me démerder, quoi. On verra. Bref, comme dirait Yanda, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles et le surtout commentaire. À utiliser les liens d'affiliation parce que c'est important et c'est comme ça qu'on soutient les créateurs avec les liens d'affiliation et les codes créateurs. Utip, bien sûr, Tipeee, Patreon. Utip, Tipeee, Ulule, Patreon. Kickstarter, tout ça. Et sinon, le RIB de l'émission s'affiche en bas. Ouais. Vous pouvez faire un don directement avec le RIB de l'émission. Pourquoi on passe par toutes ces plateformes alors que tu fais un don par PayPal et ça marche tout seul, quoi ? Pourquoi on s'emmerde ? Donnez et rendez-vous sur le même flux RSS dans pas très longtemps pour écouter un nouvel épisode de l'Estaminerd. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à parler de l'émission autour de vous, à vos amis, tout ça. C'est comme ça que vous ferez vivre ce projet. Car n'oubliez pas, si on n'écoute pas l'Estaminerd, un jour, il n'y en aura plus.